Cet épisode du podcast de Papa Cassette est une présentation du marché Bonichois Neveu de La Berlochère. Vous suivez Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de mes multiples projets? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bonsoir à tous, chers amis, et bienvenue à l'épisode 112 de chez Papa Cassette. Et puis, écoutez, on va tout de suite y aller en annonçant notre invité, Monsieur Bruno Georget. Eh oui, salut! Salut! Bienvenue à ta première apparition à mon show. Ben oui! C'est on est très heureux que tu sois là. Ben, très heureux, moi aussi. Puis on a vu la réaction... On s'en va tout de suite dans le chat! Ben oui, allume le chat. Il y a déjà plein de monde qui sont là pour te voir, Bruno. Alors, c'est vraiment... Ça va rendre fort. C'est vraiment très le fun. Merci à tous d'être là. On n'aura pas le temps de vous nommer, à part Corbin Dallas, parce que ça, c'est très le fun. Puis c'est Frank. Corbin Dallas. C'est bien là. Yes. Fait que, c'est cool. Ça faisait un petit bout qu'on avait parlé. En fait, tu m'avais fait signe un peu après les fêtes pour proposer là que si on avait de la place, que ça tentait de venir faire un tour. Fait que, on l'a fait. Ben oui. Puis là, c'est tout énervant. Mais avant de partir avec ça, puis on va te laisser parler de ça. Quand j'avais annoncé qu'on allait avoir un invité. Monseigneur Neveu de La Verlochère a fait lui-même. Papa Cassette, si tu veux, j'ai des Doritos pour l'inviter. Ah, il savait pas quel invité, là, tu sais, comme c'est il m'a. Je me rappelle plus quand est-ce qu'il m'a écrit, genre. Ben quand j'ai dit qu'il y avait. Mais il savait pas c'était toi. Okay. Fait que là, c'est très drôle. Fait que là, ben, il m'a envoyé des Doritos. Voici un bol. Un bol incroyable. Avec un angle bizarre. Et voici la boîte des Doritos de Monseigneur Neveu de La Verlochère, mesdames et messieurs. Ah, la boîte du... Ça niaise pas, là. Alors, souvent, on parle de boîte de la honte, ça, c'est le contraire d'une boîte de la honte. Ça, c'est une boîte de la réussite, mon ami. Alors, c'est là-dedans, il manque un sac vert que j'ai amené chez nous, je l'ai mangé. À la peigno. Mais on a toutes plein de sortes. Et puis, le jaune ici... c'est la nouvelle saveur, là, parmesan. Ah ouais, c'est ça. Ah, il est parmesan. Il est fou. Mais Bruno, toi, je pense que t'aimes pas le fromage tant Moi, le parmesan, j'ai bien de la misère. Exact. Fait qu'écoute, t'es l'invité, je te laisse choisir une sorte. Shit de merde. Puis habituellement, moi et Jeff, on mange plus de Doritos parce qu'on n'a pas le temps. On fait rien que parler. Mais là, on a un invité, fait qu'il y aura des gens qui parleront pas. Hey, je pense que... Ah oui, on... Les Doritos au feu. Excellent. Ah, sont les gagnants. Un très bon choix. Excellent. Ça va être très bon. C'est comme Noël. Ben oui. Crisse ça à terre. Alors, comme je disais, on va mettre ça dans un... À JF, on va mettre ça dans un bol complètement cave qui fait que tu peux pas mettre du stock plus, tu sais. C'est le hype train, en plus. Tu sais, c'est vraiment mal fait. Puis le bol en plastique bleu traditionnel est en bas. Fait que je peux aller le chercher. Fait que ça va être ça ce soir. C'est magnifique. C'est quoi ça, le hype train? Parce que là, vous autres, vous êtes rendus des experts. Là, on s'est jamais... même tellement pas. On est tellement gênés de pas être à toutes les experts. Fois, on est comme, c'est un hype train? On ne sait pas. Les gens s'abonnent en masse, je pense, mais on n'a jamais passé le niveau 1, me semble. Moi aussi, j'ai rendu au niveau 2, peut-être. Je savais même pas qu'il y avait des niveaux. Ben, on est level 1 Hype Train, là, ça monte 31%, il reste 5 minutes là, pour monter. Il faut que les gens s'abonnent en masse. Mais on a déjà monté un niveau au dernier épisode, un ou deux. Ouais, ça monte. Là. Hey, c'est ça Vince Watou qui subscribe. Merci beaucoup, Vince Watou. Fait que Vince Watou. Dis le Watou. Hey, Vince Watou. C'est tout un guitariste, ça, là, en plus. Il est très bon. Fait qu'on reçoit des affaires de même, Bruno, puis on sait pas trop comment ça marche. Fait que, en tout cas, mais on est content parce que. On sait que c'est des gens qui donnent du love, et puis qu'avec ça, on reçoit 2$. Au deux mois sur Twitch. Mais c'est pas grave, on fait pas ça pour l'argent sur Twitch, on fait ça pour le plaisir. Mais oui. Exact. Puis, hey, c'est beau. Puis on a même de la petite bière, Bruno, si tu veux. Je vais nous servir ça. Merci à Corbin c'est Dallas bien. Aussi qui subscribe with Prime. 2 mois. Wow. Hugh Milter et son Raid of One. Il va bien finir par popper un moment donné. Lui, il Raid de 1, c'est toujours, ça. Toujours, il va faire une entrée remarquée. je Raid tout seul. Fait que t'avais-tu la chance? Bon, c'est passé. On est rendu au niveau 2. Merci tout le monde. Merci à Finger Cut. C'est malade. Malade. 2$ pour acheter Doritos. Ouais. Mais maintenant, le Doritos avec les taxes, c'est plus au proche de 10$. Où est-ce qu'il s'en va le monde? C'est vrai. T'avais-tu goûté à une des Hochelaga PLL? Non, j'avais pas goûté à votre délicieuse Hochelaga PLL. Ben, il nous en reste. Fait que t'as celle de l'espace génial. Public, qui est un petit peu plus tropicale, ou okay. celle du Mutoïd, qui est un petit peu plus amère, là, si je peux dire, un petit peu plus okay. à céréales. Mmh. Ou il nous reste de la rousse là-bas. Quelqu'un dans le chat dit Bruno est chanceux parce que la Belmont a été bu. Ouais, ça fait ouais, un bout. J'imagine. Hey, écoute, je vais essayer. Je vais essayer. Là, tu me mets sur la sellette. Oui. J'ai essayé. La Mutoïd me parle beaucoup parce que le métalleux en c'est moi. Ça, hein? Ouais. C'est ça. Très attirant. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon, mais tabarnak, ça va bien. Hey, mais... ouais. On a tout de la bière et des chips. Let's go. On va s'ouvrir ça. Une course light. Ça va recevoir. Est-ce qu'il reste des essuie-tous en cas de dégâts? Oui, on a des essuie-tous parce que. C'est encore les essuie-tous rétro-nouveaux qu'on avait ou ils ont fini ceux-là? Non, ils nous ont aidé longtemps à éponger des dégâts de bière. Exact. Bon, mais cheers, hey, les cheers. Gars. Cheers, yes, les yeah. C'est bien le fun. Merci aussi tout le monde dans le chat qui sont là. Je vais parler pendant que les gars boivent. Ah, elle est très Blast bonne. Man. Ah. Hey, c'est du bon jus. Ah, ça fait du bien. Oh. C'est merveilleux, ça. Merci, Mutoïd. Oui. Oui, absolument. Ben, très, très, très, très bon. Et à l'espace public. Oui, puis je veux rappeler que l'espace public a printé une nouvelle batch de Hochelaga Pale Ale. Donc, ce qu'on boit là, c'est notre ancienne batch. Okay. Par contre, qui est encore bonne, mais tu sais, les IPA, il ne faut pas que tu les dures trop longtemps. Ils perdent un peu en saveur de houblon. Mais elles sont quand même encore excellentes. Mais c'est ça. La nouvelle, celle-là de l'espace public a été refaite, un deuxième brassin okay. est maintenant disponible directement à l'usine de l'espace public et il y aura une distribution un petit peu partout. Alors, comme à chaque fois qu'on brasse des bières, je le rappelle, si vous en voulez, faites la demande à votre dépanneur de bière spécialisé, puis il pourra peut-être vous en commander. Exact. Alors ça, c'est merveilleux. Mais là, je suis curieux. Tu disais, une IPA, ça dure pas tout le temps, ça devient moins bon. C'est combien de temps que c'est bon, une IPA? Ben, c'est pas que ça devient genre moisi ou pas bon ou dangereux pour la santé. C'est juste que le torque du houblon va s'estomper, mettons. Okay, là. Fait que ça va... Fait que l'amertume ou la tropicalité de la chose va être moindre. Okay. Fait que il en reste tout le temps un peu, là, mais les IPA, il faut que tu les gardes au froid. Et puis, il faut que tu les boives idéalement fraîches, le plus frais possible. T'sais. C'est plein de bébites là-dedans. Là, puis de nature, là, puis de foin. Là, t'sais. Fait que faut tout se mettre ça dans le ventre très rapidement. Wow! Fait que, ben, on va donner la parole à Bruno, mais juste avant, faire le traditionnel numéro du Canadien pour l'épisode. Parce puis on a battu le record, c'est alors. On est rendu à 55% du niveau 2. On s'est jamais rendu là. Si, il y a des petits cadeaux qui revolent dans les airs. My God, hein? On est là. On n'y est plus. Fait le tour du hype train. Oui. C'est comme un jeu vidéo et des belles animations et tout. Hey, puis Drekel dans le chat qui est à Punta Cana. Ben oui. Ah ben. Hey, c'est malade. La piñata du Bravo. Les numéros du Canadien, Dom? Oui, on est à l'épisode 172, alors est-ce que vous voulez qu'on fasse 1 et 72 ou 17 et 2? On laisse Bruno choisir. Moi, écoute, je saurais pas c'est quoi la différence avec 17 et 2. Parfait, on va s'éviter les goalers. Faut sauvegarder les gardiens en numéro 1. Alors, 17, ça serait, on a le choix entre 35 joueurs quand même. On va y aller avec Carole Vanney. qui a joué pour le Canadien en 1968 seulement. C'est tout. Et numéro 2, on va y aller. Il y en a une couple de bons, mais on va y aller avec quelqu'un qu'on ne se souvient pas. Il s'agit de Bill Nyrup. Attends, Carole, il y a une méchante. Hey, voilà Carole Vanney, man. Il ressemble un peu à Serge Savard. C'est vrai. Ouais. Le nez de Serge Savard. Hey. Crime. Il est malheureusement décédé le 31 août 2014. À Laval. À Laval. Né à Montréal, décédé à Laval. C'est un downgrade. Ben, on le salue. Il s'est rendu dans NHL puis pas moué. Alors, quand même ça. Il a l'air d'un gars qui était capable de démolir quelqu'un. Oh, le visage. C'est une face de caoutchouc, on dirait. Ouais. Là, tu sais, que... C'était qui l'autre? Des dit, géants. Hein? L'autre, ça va être Bill Nyrup. B-I-L-L, espace N-Y-R-O-P. Il a joué pour le Canadien de 1976 à 1970. Lui, c'est un gars qui fait dans des balayeurs, par exemple. Ah, lui, tabarnak. Une moustache qui impose le respect. Là. Ah, lui, je l'aime beaucoup. Ah, il est mort au jour de l'an. Ben, tu sais, des gros parties. Oui, en effet. Mort. Il est mort très jeune, en plus. C'est vrai. Oui. Hein? Ben, si c'était un enforcer, il y a peut-être eu des problèmes de drogue. Tout. Dans le temps, on parlait pas de ça, ni des coups à la tête. Non, là, ça n'existait pas, ça. Les check ça. La consommation puis les dépressions chez les joueurs, sinon t'étais... René Bourque. Ouais, René Bourque. Ah, avait... wesh, René Bourque. S'il vous plaît. On parle pas de ça. OK. C'est la minute hockey. Fait que, c'est drôle. Little Mr. Rat Super dans le chat qui dit en tant que souverainiste, comment vivez-vous le déclin de Montembeau? Fowler a été excellent hier. Ben, c'était à lui de se ressaisir. Ben là, ouais, je suis souverainiste, mais pas de là à j'en fais une dépression. Je veux qu'il y ait des Québécois. Je suis pas souverainiste pour la Coupe Stanley. Puis, mais là, il y a des problèmes avec le hockey au Québec, mais je suis pas souverainiste au point de dire qu'il faut garder un pas bon gardien québécois dans le line-up. Qu'est-ce que t'en penses, Bruno? Moi, je pense que. C'est pas important d'être Québécois si tu veux être bon goaler. Exactement. Faut que tu sois bon goaler, puis après ça, si t'es Québécois, ça donne bien. C'est bien ça. Ah oui. Voilà. Fait que, avec la musique qui commence... Wow. Moi, je vois tout le temps baroque quand j'entends des affaires. Ben oui. Ben oui, c'est tellement lui qui nous a appris aussi que ces musiques-là, de j'oublie tout le temps le fucking nom, là... Le génie là, qui fait de la musique, ça c'est Robocop, mais il a fait aussi Silver Surfer puis tout ça au NES, la musique de Rare, le génie. Fait que c'est Michael qui nous a appris ça, puis là j'ai oublié, mais. Il l'a appris puis là, c'est complètement oublié. Tu vas t'apprendre une affaire à soir. Tout oublié. C'est tout ce que t'as besoin de savoir dans la vie. Ah, mais je veux juste aussi souligner que Michael est présentement chez Atari pour un party de bureau. Incroyable. Puis il a rencontré... Avec les légendes. Oui, t'as-tu vu? J'ai vu ça aujourd'hui, il a rencontré David Crane puis Dan Ketchum, les légendes qui ont fait Pinfall puis fondé Atari Activision. Incroyable. Puis ils ont fait plein d'affaires. Il y avait trois légendes sur cette photo, incluant Michael. Ah oui, Fred est dans le chat. Alors, c'est Tim Fallin, en effet. Tim Fallin. Yes. Ben, salut Fred, et puis là, on a reçu Bruno aujourd'hui, puis on va te recevoir toi aussi éventuellement. Yes, on commence l'année, c'est notre premier show. Notre deuxième show de l'année. L'année, ouais. On t'en pose très rapidement. Exact, God exact. Man. S'il veut, bien sûr. Ben oui. Fait que ça va venir. Yes. Fait que voilà, ben Bruno, explique-nous un peu... Qu'est-ce que tu fais là? Ah, j'étais dans le bout. Non, ben c'est ça. Ben je voulais justement faire un petit retour là, sur toute cette grande période parce que en fait c'est ça. J'ai arrêté Rétro Nouveau. Quand j'ai arrêté Rétro Nouveau, ça avait un peu fait comme oh my god, puis que finalement j'ai arrêté. Le show s'est terminé après ça. Puis en fait, ben c'est ça. Là, ça fait depuis c'est quoi? C'est 2024. Ça fait 2024. Fait que ça fait deux ans. Ouais, ça fait un petit peu plus que deux ans, ouais. Ouais, deux ans. Puis en fait, ce qui est arrivé, c'est que moi, pour expliquer la situation très simplement, c'est que je pense que j'étais rendu au bout du projet. Vraiment, c'est vraiment ça au final. C'est que j'ai, tu sais, avec Monsieur Net, tu sais, ça faisait vraiment longtemps déjà que je faisais des critiques de jeux vidéo. Fait que là, tu sais, quand ça fait quasiment 20 ans que tu fais des critiques de jeux vidéo, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que t'es tout le temps en train de chercher la prochaine affaire, puis ton cerveau est tout le temps en mode critique ou en mode, tu sais, tu joues à un jeu, puis tu y joues, mais dans l'idée aussi d'en parler, puis ça change un peu ta façon, en fait, d'apprécier un jeu, parce que tu y joues pas nécessairement... avec le même thinking, la même approche. Puis il y avait ça un peu qui... Ça me manquait, en fait. Il y avait des affaires qui me manquaient, comme, mettons, juste jouer à un jeu vidéo pendant un mois puis jamais en parler à personne. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme j'ai... Tu sais, pendant mon absence, j'ai joué à je me suis remis plus sérieusement dans les RPG, entre autres. Ouais, choses que je voulais refaire, mais j'avais jamais le temps. Puis là, j'ai eu le temps de faire ça. Mais c'est ça, quand j'ai terminé Rétro Nouveau, en fait, c'est ça, j'avais un peu fait le tour, puis aussi, ben, il y avait quelque chose qui me manquait de Rétro Nouveau, puis c'était vraiment quelque chose que je peux pas avoir parce que c'est quelque chose qui habite dans le passé, puis c'était vraiment le bout où on était nous trois, tu sais. Des fois, moi, je pense à Rétro Nouveau, puis je pense à chez vous, dans Salle Brune. Ouais. Puis vraiment, là, le petit setup, là, puis tu sais, c'était broche à foin nos affaires, puis on commençait à découvrir les affaires, puis tout, puis... Ça, moi, je suis vraiment nostalgique de cette partie-là de Rétro Nouveau où on était d'un début avec JF. Puis, tu sais, dans ce temps-là aussi, il y a une autre affaire qui arrive, c'est que il y avait pas vraiment de monde qui faisait des podcasts. Non, on était nouveau, on était dans les premiers à faire de la vidéo, je pense, aussi, en exact. Même temps. Là. Fait que c'était comme, on était pas des pionniers, là, mais on était dans ceux qui commençaient dans ce gang-là. Au Québec, il n'y en avait pas vraiment. Le terrain était très ouvert pour jouer. Oui. Là, c'était fou, là, quand même. Là. Ça, c'était vraiment cool, puis c'était vraiment le fun. Puis, tu sais, on mettait tellement d'énergie puis d'efforts là-dedans que, veux, veux pas aussi, ça change la donne quand tu fais un show, puis ça le fait de façon différente. Puis avec le temps, ben, on l'a fait de façon plus organique. Puis moi, j'ai aimé ça pendant un bon moment, mais à un moment donné, tu sais, ça me rejoignait plus autant. À un moment donné, j'étais juste un peu comme, bon, hey, je suis un peu brûlé, là, tu sais. Puis en fait, c'est que, tu sais, je fais un travail dans le jour qui demande à ce que je sois pas là à moitié non plus, tu sais. Je suis vraiment, faut que je sois là à 100-150% ouais. À tous les jours, parce que sinon, tu sais, ça donne des mauvais résultats. Je ne veux pas donner de demi-résultats, puis ce que je fais, c'est important. Je travaille avec une équipe, il faut qu'ils savent, quoi faire, il faut qu'ils sachent où aller, tout ça, tu sais, puis... Ben, moi, je te rejoins un peu là-dessus aussi, tu sais, au niveau, comme du travail présentement, ouais. Là, la job, ouais, la business me prend, ça me prend pas la tête, c'est pas ça, je veux dire négativement, mais ça occupe beaucoup mes pensées, tu sais. Ouais. Puis quand tu parlais du début tantôt... Puis moi aussi, là, j'ai des gros souvenirs nostalgiques. Puis je me rappelle quand on a commencé à faire ça, tu sais, pour moi, Rétro Nouveau, c'était tellement incroyable ce qu'on était en train de faire, ouais. Tu sais. Puis là, j'étais comme, Chris, on est sur la map, on bâtit quelque chose. Puis j'étais en vacances, j'y pensais, tu sais. Ouais. Puis j'essayais, ah, tel nouveau jeu, ouais, puis on préfère ça, tu sais. Puis on était investis, là, fois mille, là, tu sais. Ah, c'était, oui. Puis avec le, tu sais, puis on voulait travailler après. Ouais. Ouais, c'est ça. On mettait tellement d'heures là-dedans. On mettait beaucoup d'heures, puis, tu sais, puis c'est ça, tu sais. Puis on faisait ça bien, puis c'était beau, puis ça nous habitait complètement, pleinement. Ouais. Puis c'était le seul projet aussi. Ouais. Puis après ça, tout a évolué, mais c'est ça, tu sais, à un moment donné, là, on était comme plus capable de mettre autant de temps là-dedans, puis garder ce level d'investissement-là non plus. On a comme atteint un pic, je pense, puis après, ouais. Je l'ai déjà dit à Rétro Nouveau aussi, tu sais, comme, ou à vous autres, là, tu sais, moi, à un moment donné, Rétro Nouveau est devenu mon dernier projet. Ouais, c'est devenu. Parce que j'avais mes. Tu sais, puis ouais. J'aimais ça venir, puis tout, manger exact. De l'autos, puis dire des saletés. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, c'était plus mon projet numéro un. Puis, tu sais, ouais. Même en fait, je vais être franc, le podcast, si, c'est pas mon projet numéro un non plus. Moi non plus, mon projet. C'est ça, on le fait, puis c'est cool, mais mon projet numéro un, c'est la business, tu sais. Ben oui. Puis. C'est normal. Puis nos carrières ont évolué, là aussi. Ouais, on n'a plus fin vingtaine, début trentaine, non plus, là. C'était ça aussi, on avait bien du temps, là. Exact. Ouais. Puis je me rends compte en vieillissant aussi, il y a des affaires qui changent aussi, tu sais, mettons, tout le prime time de l'arcade, tu sais, ouais. Ça l'a changé, tu sais, avec le temps, les chummies viennent plus, puis c'est un projet de chummies, là, tu sais, puis c'est ça. Mais c'est une période de 15 ans quand même, là, fait que c'est ça, ouais, c'est un long stretch, c'est... fait que c'est pas c'est égal énorme, du là. Début, tu sais, c'est pas, le monde change, puis il y a plein de nos amis qui ont vendu toute leur collection, qui gagnent ouais. Plus, ou qui font autre chose, puis c'est bien correct, là, on a encore des amis, là, mais c'est ça, tout ça, à un moment donné, les jeux vidéo, c'était comme une affaire, là, de fou, ouais. Là, c'était le centre de tous nos univers, puis... Puis là, c'est présent encore chez tout le monde, mais ouais. c'est plus le centre. Là, mais fait. Aussi, la tu sais, je pensais à ça tantôt dans mon char en m'en venant. Puis, tu sais, la business, le l'industrie du jeu vidéo a énormément changé mm-hmm. depuis qu'on a commencé le tournoi. Oui, en effet. Tu sais, comme au début, on était vraiment, c'était juste l'innovation. Puis Christy, il parlait de jeux vidéo. Christy, je me souviens, Dom, on avait des discussions. On venait d'écouter On venait d'écouter Reviews on the Run à G4. Ouais. C'est, tu penses à ça maintenant, puis tu fais, voyons donc, écouter des critiques de jeux vidéo sur le câble. c'était hot. T'sais, c'est ça, c'était comme le début de tout. Puis il y avait aussi une grosse différence au niveau des jeux vidéo, c'est que tout était le online, ça commençait sur les consoles. Il n'y en avait pas, encore. Tant que ça, tant que maintenant, puis maintenant c'est devenu vraiment une business de online gaming, une business de jeux aussi qui ont il y a moins, je trouve, cette simplicité là qu'il y avait il y a des années avec les jeux vidéo, tu sais. Ouais. Je parle, mettons, l'ère PS3 360. Wii. C'est là qu'on a commencé. Hein. C'est là qu'on a commencé nous autres, puis. Tu sais, cette époque-là est absolument exceptionnelle. Ouais, ouais. Moi, ouais. Quand j'y repense, je suis comme Christy. Il y avait quand même, c'était un noyau, cette partie-là. Tu sais, même des fois, moi, je pense avec grosse nostalgie des jeux de Wii, des jeux de DS, crime, les premiers jeux de DS qu'on jouait, j'étais comme aïe, aïe, c'est donc bien malade, qu'est-ce qui se passe? Puis tu sais, il y avait. Là, maintenant, on voit des affaires, tu vois que le graphisme est absolument incroyable, c'est exceptionnel, ça roule vite, mais là, t'attends comme... Ça fait 30 secondes, t'attends avant que le tableau y arrive, là. Là, t'es en crise. Là, je suis comme... Tabarnouche, on est gâtés, là, tu sais, par rapport à avant. Fait que... Mais c'est ça, je trouve qu'il y a tellement d'affaires qui ont changé, puis dans ce temps-là, il y avait un côté quand même assez le fun, naïf du jeu vidéo, que je trouve qu'avec le temps, ben ça s'est perdu. Les budgets sont plus les mêmes non plus. T'sais. Même affaire, la télé, les budgets sont plus là en télé. Fait que là, on est rendu ailleurs. Il y a beaucoup plus de monde qui donne son opinion sur les jeux vidéo, sur les films. Oui, ouais. Fait que t'sais, maintenant, tu fais ça, tu te dis, ça sert à quoi une opinion plus? T'sais. Non, mais c'est ça. Puis on a traversé l'époque aussi où est-ce que le site web de Rétro Nouveau, on avait un blog. Ah, ouais. Puis on avait du monde qui écrivait des articles là-dessus, qui faisait des vidéos. T'sais, on voulait avoir un site web de... On voulait être une référence. Vidéo, là. Ah, ouais. La référence du jeu vidéo. On voulait être le IGN du Québec. On a essayé. Rien de moins. Là. Puis, on y tenait là, avant. On a essayé, puis on a tout fait ça. Ouais. Là, en passant, tout ça, on l'a fait. Là. On a tout fait ça. On est allé au bout de tout ce qu'on voulait faire. On l'a essayé, selon moi. Ah non, on le poussait, puis on se disait, tu sais, on va aller dans des événements, puis on va, tu sais, on va vraiment pousser la machine au bout. Puis... Ben, on y est allé. Honnêtement, on l'a fait, c'est ça. T'sais, on l'a fait pendant un bout, puis là, un moment donné. Fais ça, fais la job en même temps. Man, on était vidés. Ouais. Rétro Nouveau TV, moi, c'est j'ai mourir ça à chaque épisode, mais... c'était tellement trop de travail, mais moi, j'ai encore ça, là, une petite place dans mon cœur pour cette affaire-là. Là. Pour toujours, tu sais, c'était... Calique, c'était hot, là. Dans le sous-sol avec des deux à faire des cartons. Ah ouais, on filme. Ah ouais, on le fait, tu sais. Mais c'est ça. Mais tu sais, on a tellement essayé d'affaires qu'à un moment donné, tu fais comme aïe, ok, on est quand même allé au bout du truc, tu sais. Puis après ça, on vieillissait, tout le monde a des engagements, puis tout. Puis là, on le fait, on a une discussion. C'est super le fun, puis on continue à en parler, puis on continue à avoir du fun, mais. Je pense que c'est la nature des choses aussi que ça ne devienne plus ton truc numéro un à un moment donné. Parce que. Non, c'est ça. Si tu viens pas regarder en V à un moment donné, c'était comme pas le choix. Là, c'est ça, exact. C'est ça. T'sais. Non, puis moi, je suis rendu. T'sais, maintenant, j'avoue que je suis rendu à un bout dans ma vie où j'arrive chez nous le soir, là, man, je suis vidé. Là. Moi aussi. Ouais, j'ai tellement plus qu'avant. Ah, oh, fuck. Puis, tu sais, faire plein de projets en même temps. Là, ouais. Puis, je me sens mal, tu sais, de pas plus être capable de le faire, ouais. Genre, des fois, tu sais. Puis là, moi, j'étais un entrepreneur, genre dans des cercles d'entrepreneurs, tu sais. Puis le monde, il y en a qui travaillent, à 70 heures par semaine. Exact. Tout. JF, hein? JF. C'est correct, là. C'est présent. Non, mais tu sais, j'avais... J'ai du passion project là-dedans, même s'il me paye, là. Ouais, non, mais c'est ça. Mais moi, puis j'ai comme plus... J'ai plus le goût. Non, c'est ça. Ben, j'ai le goût, en fait, puis je me sens pas moi, j'ai le mal goût, d'être dans le sofa. De plus être capable, en fait. Exact. Je me sens mal d'être dans le sofa et de pas être en train de pousser quelque chose. Tu pourrais produire quelque chose. Je serais supposé être en train de faire le décor ici, tu sais, whatever. Mais là, si je suis chez nous, je suis comme « Ah, je vais en prendre une à soirée tranquille, ouais. Tu sais, dans la couverte. Hein, » Puis il y en a de plus en plus, tu sais. Ben oui. Non, moi, c'est ça. Je vais avoir 49 ans là, cet été, tu sais. Fait que, à un moment donné, t'es juste... ton corps ne suit plus. Là, puis moi j'ai tu sais, en plus de ça, tu sais, je suis, tu sais, essaye de, tu sais, tu t'entraînes, tu essaies de rester en santé, là, whoop, grossis un peu. Ah, on va essayer de mieux manger, on va essayer de checker ça, les pilules, les médicaments, ouais. Le ça, tu sais, comme à un moment donné, c'est juste, c'est ça, t'es plus autant là, tu t'endors plus vite. Ouais, je me couche à 10h. Oui! Genre 9h30 même, des fois, là, tu sais, je suis rendu ça. Ah ouais. Puis avant, tu sais, même quand on faisait rétro nouveau, tu sais, à un moment donné, je virais à brosse à Jacques Fouet, moi, là. Ouais. À cette heure, tu sais, comme, je bois même plus. Des fois, on boit pas, moi, là. Ben là, à soir, ça va, là, tu sais, ouais. Whatever, mais même, mettons, l'alcool, tu sais, moi, ça me met en mode dépression énormément ouais. Plus qu'avant. Puis je struggle avec ça, tu sais. Puis moi, on s'entend, là, mon prime, c'était genre, yeah, l'arcade, l'alcool. Ah ouais, l'alcool a tout le temps été de party. Puis moi, de l'alcool tout le temps. Bon puis de la bière, puis de la bière, puis de la bière, puis de la bière, puis de la bière. Puis là, on dirait que je suis comme, wow, j'ai jamais vécu pas d'alcool, tu sais. Puis là, je me retrouve, j'étais à 46. Non, mais oui. Ouais, mais oui. Comme je suis capable d'avoir du fun sans alcool, tu sais, je suis en train de me questionner parce que je bois toutes les fins de semaine depuis que j'ai 16 ans, tu sais. Quand même. Ou à ouais. Peu près. Là, fait que c'est ça, ouais. on se rend des places dans notre vie où est-ce qu'à un moment donné c'est, ça ah change. Ouais, puis moi, à un moment donné, je suis rendu à un bout où si j'aime plus quelque chose, ben j'arrête. Ouais, tu te poses plus autant de questions. Avant, j'aurais fait comme ah, mais là, si j'arrête ça, je pourrais plus faire ça, je pourrais plus faire. Non, c'est même plus genre des. T'es brûlé, fait que là, tu sais, ah, faut une affaire de moins, c'est correct. Ça va aller, tu sais, comme. Même les jeux vidéo, c'est la même affaire. Moi, avant, man, je grindais pour faire des trucs, des fois, que, tu sais, je trippais pas tant, mais je me disais, ça va venir. Là, je suis comme, ah, oh, non, ouais. Je suis capable. Non, exact. Tu sais, c'est. J'ai d'ailleurs énormément de misère encore à comprendre les gens qui finissent une grosse journée de travail qui sont vidés puis qui se tapent un Souls. Tu sais, tabarnouche. Moi, du douillet. Une coupe de claques en revenant chez vous. Mais ouais, c'est ça. Fait que non, moi, je suis bien où je suis là présentement. Puis, tu sais, pour le podcasting, moi, je pense que... Tu sais, c'est ça. Ça, tu sais, j'y pense souvent. Mais c'est ça. Je pense à. Mais ça te manque pas, là. Ça me manque c'est pas. C'est correct, là. On a le droit de ça le dire. Ça me manque pas, en fait, parce que. Ça me manque pas parce que. Je sais comment je suis si je pars un projet. Je suis incapable de partir. Tu sais, comme. Tu le sais, même à la fin de Rétro Nouveau, j'étais comme. Hey, les gars, on fait-tu des chroniques? On fait-tu. Puis tout le monde était comme. Ah, oh, man. Dude. Puis tu sais, comme, quand est-ce que t'as le temps? Puis même moi, je checkais mes affaires, j'étais comme. Bruno, t'as pas le temps. Qu'est-ce que tu fais, Chris? Ben, on a toujours le temps, mais. Ouais, mais c'est ça. Il n'y a pas le plaisir, puis à un moment donné, Chris, tu sais. Exact. Puis c'est drôle, tu sais. Bien job. Tu avais beaucoup de projets, puis je voulais te taguer proprement sur Instagram, tu sais, pour annoncer ta visite. Puis là, je t'ai comme tombé sur Bruno Gamer, genre. Ouais. Parce que qu'est-ce que c'est ça? C'est une affaire de. C'est un profil Instagram que t'as fait un moment donné. Oh, ouais, là, c'est et ton mieux, dernier ça. Post, ça parlait de Vita, là. Ça venait de sortir, sûrement. Puis ton blog Vita Lova, puis ouais, t'as tout le temps eu, bref, beaucoup, beaucoup de projets, tu sais, puis... C'est vrai, ça, je voulais l'expliquer d'ailleurs au monde, parce qu'il y a du monde qui m'ont cherché sur Instagram. Ouais. Mon Instagram, qui était @BrunoGeorget, qui était à ce jour tout le temps ça, s'est fait hacker quasiment au même moment où j'ai arrêté Rétro Nouveau. OK. Genre un mois plus tard. Puis... D'ailleurs, il s'est fait hacker, je retrouverai l'adresse, je pourrai la partager aux gens, mais si vous êtes encore abonné au compte, ça a changé de nom, c'est rendu un nom, c'est quelqu'un au Cambodge, ou je sais pas trop quoi, qui l'a pris, puis ils ont mis des vidéos de petits nounours, puis tout ça, puis de d'animaux, puis tu vois le compte, puis tu vois que c'est des affaires d'animaux, des affaires... très pastel et tout pour attirer un certain public. Puis tu scrolles en bas, puis c'est mes photos à moi, avec ma famille. Voyons donc! Je suis comme tabarnak, puis j'ai essayé de leur avoir ce compte-là. Jamais réussi, rien à faire. J'ai essayé pendant des mois, là, puis il n'y a rien qui a pu se passer. J'ai, par la bande, j'ai perdu mon compte Facebook aussi. Ça a pris 2 mois à le retrouver. Ah ouais, man. Là, j'avais plus rien nulle part. Puis même du coup, quand ça s'est arrivé, je me suis dit, mangez-nous tout de la merde, tu sais. Puis j'ai juste voulu tout arrêter ben, ça. Ben oui, man. Juste plus rien à voir. J'étais comme, c'est donc ben du trouble, tu sais. Finalement, à un moment donné, tu sais, je me disais, ah, c'est plate, tu sais. J'aimerais savoir Instagram, tu sais. Puis montrer des affaires des fois, tu sais. Puis partager les choses, tu sais. Puis c'est ça. Puis là, je me suis ouvert un truc. Il y a Pipi Caca Poil 69, oui. Beau nom. c'est ça mon handle maintenant. C'est Batman Georgie. C'est ça, en fait, c'est, là, ça, c'est mon nouveau Instagram. Puis c'est mon nouveau Instagram depuis peut-être 2 ans. Je partage surtout des stories comme la plupart des gens sur Instagram. Elles sont tellement drôles, tes stories. Ouais, chaque fois que je vais sur Instagram puis je vois que tu es en haut avec des stories, je suis comme « yes ». Je regarde toutes. C'est spectacle. Tout le temps. Oui, c'est vraiment c'est tout le temps des niaiseries. Tu sélectionnes des affaires fucking drôles, là. C'est vraiment bon. Ah, merci. Ça me fait énormément de bien. mais ouais, c'est ça. Fait que c'est, tu sais, c'est rendu ça. Puis j'ai ouvert un Twitter comme pratiquement anonyme juste pour checker des comptes de jeux vidéo, me tenir au courant, puis ouais. Fermer ça après parce que c'est ça, j'aime pas Twitter. J'aime pas Twitter justement à cause du tata d'Elon Musk. C'est ex. mais tu sais, encore dans le jeu vidéo, je trouve que sur X c'est mieux que ouais. Sur Blue ouais. Sky là, ou un autre. Blue Sky, je trouvais ça. J'étais là au début, puis même. Ça, c'est drôle, tu sais. Tu vas sur Twitter, tu te dis comment ça me manque, me semble. C'était le fun au début, tu sais. Ben oui. Je me souviens plus qui parlait de ça récemment. Il y avait quelqu'un qui parlait des débuts de Twitter. Je pense que c'est André Duchamp qui est passé à sous-écoute. Puis il parlait des débuts de Twitter, puis du fait que c'était le fun au début de Twitter, parce qu'au Québec, ceux-là qui utilisaient Twitter, on avait comme une. C'était une petite communauté, puis tu sais, il y avait même des meet-ups, puis on. Tout le monde se parlait, tu sais, c'était le fun, tu sais. Jusqu'à ce là, que c'est... Hey, t'arrives sur Twitter, man, puis tu fais comme « Hey, salut, qu'est-ce qui se passe? »« Va chier! »« Y'a rien! Mange la merde! Ah, buy my pills! » Tu sais, puis là, c'est comme « Buy my pills! » »« Calique, que c'est ça? » C'est-tu atroce, pareil? C'est affreux, là, c'est devenu des vidanges. Les c'est médias ça. Sociaux, man. Puis même là, tu sais, tu penses à ça, puis tu sais, justement, là, ça fait vraiment comme un vieux bonhomme qui chiale après les nuages, mais ça file de même pareil. Ben, oui. Parce que quand on a commencé là-dessus, Chris, t'as le fun, Twitter! Ben oui, puis je me rappelle, les deux seuls qu'il y avait, c'était Facebook, Twitter. Quand tu mettais les logos de médias sociaux, il y en avait deux, puis c'était eux autres. Exact. À la fin du show, tantôt, il y avait des vrais rencontres. Il y avait des vraies rencontres, il y avait des tweet-ups, des affaires comme ça. Moi, j'ai filmé des événements tweet-ups, des affaires comme ça, qui ramassaient des vrais. C'était big dans le temps, là. Ah oui? Début 2010-2015, dans ce coin-là, là. Hey, imagine ça. Maintenant, tu parles de ça, oublie ça, là. On puis rencontrerait le monde, c'est du monde qui veut te rencontrer pour te crisser une volée, finalement. C'est là que t'apprenais l'existence de la prochaine soirée de Battle iPod Nano. Tu sais, il y avait des iPod Battle, là, des DJ. Quelqu'un avait son iPod, mettait une track, là, le monde, yeah! Puis là, c'était autour de l'autre. Ah ouais, moi, c'est 7 tracks, là. Yeah! Hey ben, j'aurais tellement nano. Voulu participer. Hey, c'est incroyable. Toi, avec des petits mini iPod Nano en carré. Hey, c'est malade, ça, que ça existait. On a pensé à travers tout ça. C'est fou, pareil. Fait qu'il n'y a plus rien de ça. C'est, non, c'est juste c'est du monde ça. Qui chie sa tête. Exact. Qui se bat, esti. Du monde qui chiale parce qu'il y a des groupes de musique avec des têtes en papier mâché, tout le monde en parle. Ben, ah oui, ouais, exact. C'est là qu'on est rendu. Puis moi, je voyais juste ça, là, tu sais, du chialage, chialage. Puis à un moment donné, j'ai écouté beaucoup de choses politiques, tu sais, puis je consomme de la politique beaucoup. Puis là, je subis, man, du monde, là... malheureux, qui chie sur tout, là, tout le temps. Quand, chaque matin, man, mon déjeuner, j'ouvre ça. Pis c'est super simple. Juste la violence en me levant. Tu sais, ah, la violence toute la journée. Puis je lis les commentaires, c'est de la violence. Pis ça va être une bonne journée. Ah non! Ah, man, c'est tough, là. C'est que le monde sont malheureux. Tough, là. Les gens sont malheureux ou les gens veulent que les autres soient malheureux. Oui, ça, c'est une autre affaire, tu sais. Mais tu sais, justement, j'ai lu après Rétro Nouveau, à un moment donné, ben tu sais, j'avais comme une espèce de je sais pas, comme un, j'étais comme, ah, hey, là, je vieillis, il faut que je fasse des affaires mieux dans la vie pour être bien, être en santé, ci et ça. Puis il y avait une des affaires les plus importantes dans les trucs que j'ai lus, puis c'était ça, il disait, tu sais, la première affaire que tu vas checker quand tu vas te lever va définir toute ta journée. C'est vrai. Ouais. Fait que si tu... Puis c'était moi, j'étais complètement... Je savais pas ça, JF, honnêtement, j'ai envie d'avoir su ça avant. Moi, j'ai pas su ça avant. Là. OK, OK. J'ai dit ça mais, récemment aussi. Là. Non, mais c'est ça, mais je savais pas que c'est scientifiquement vrai, en fait, que tu sais, tu regardes pas. Ben, premièrement, t'es pas supposé regarder ton téléphone quand tu te lèves. Exact. Parce que ça fuck ton cerveau solide. Ça veut prendre une demi-heure, ça a l'air, là, au moins. Là. Ben, je suis même pas sorti de ma chambre, non, genre, que je regarde mes notifications. Ben oui, exact. Mais supposé, c'est ça. Première affaire, bois un grand verre d'eau. Deuxième affaire, lève-toi, prends pas ton téléphone, va regarder le soleil, regarder la lumière. Mais c'est vrai, le pire. Moi, cette semaine, 3 jours, je me suis levé à 6h, puis j'ai pris un verre d'eau, puis j'allais m'entraîner sans rien regarder. Ouais. Ah ouais, ces 3 jours-là ont été mieux que les autres jours. C'est ça. Ouais, fait que juste kick ta journée comme du monde, là, puis ça peut changer tout. Là. Ça change absolument tout. Moi, c'est ça, je trouvais ça un peu Stromgoss et bar. Je me disais, ça fait illuminer un peu comme patente, mais finalement, non, oui, c'est totalement vrai. Et donc, quand j'ai placebo de le dire que ça va bien aller de faire ouais, ça. Exact. Mais il y a des bienfaits pareils pour vrai, oui, c'est sûr. Non, c'est ça. Il y a des bienfaits, puis là, c'est ça. L'affaire des mimes puis des niaiseries que je mets sur Instagram, ben c'est comme un peu né de ça, parce qu'à un moment donné, j'ai juste fini par... juste regarder des niaiseries, puis toutes les fois je voyais de quoi de négatif, je le délitais, puis j'allais juste chercher. Ouais. Là, mon Instagram, man, c'est rendu du bonheur, de la des farce, jokes. Là, sans arrêt, c'est juste des jokes puis des niaiseries. C'est de la rigolade. Fait que là, j'ai du fun, puis je ris, puis tu sais, comme tout le monde, à un moment donné, ben, j'écoute les nouvelles, comme je suis un gros... Je suis un fan du show de Paul Arcand, j'ai toujours aimé Paul Arcand, puis là, ben, dans... Là, il y a son podcast maintenant, fait que tu peux l'écouter quand ça te tente. Ouais. Fait que j'écoute les nouvelles désagréables plus tard dans la journée parce que c'est trop rough le matin. Simon Lahaye qui parle de faire l'amour le matin, ben Colin. Ah, Simon. Je suis pas un gars de matin, moi, j'ai bien de la misère, sérieux. La laine, toutes les odeurs. Ouais, je suis pas dedans. Puis là, quand on se brosse les dents, je reviens, comme je sais pas. Ouais. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. On m'a dit un jour, ben, deviens un gars de matin. Ouais. Je me plaignais, tu sais, que. Que j'étais pas un gars de matin. Que j'étais exact. Pas un gars de matin. Ben, je sais pas. Les gens disaient, viens le matin. Exact. Mais comme, je sais pas, si, je suis mou, ça marche pas, tabarnak. Je suis mou. Je me lève, je suis pas dedans. En tout cas, ben, il faut que je travaille là-dessus. Ben oui, pas pu aller voir le soleil. Peut-être ça aiderait. J'ai pas eu mon fait. Soleil, là. Hey, toi, ton crise de soleil. Mais. Ouais, fait que. Ben, c'est écoute, ça, Colin. Ben, merci d'avoir partagé. Ça fait le résumé. Puis j'espère que les auditeurs ont apprécié. Puis ben oui. Le show continue. Exact. Ouais. Moi, je voulais. Ça fait déjà 40 minutes. Ben oui! Moi, je voulais juste mentionner parce que le podcast a été sur pause depuis un bout de temps. Donc, j'avais fait une petite publication parce que mon beau-père était en phase terminale. Là, ma blonde est partie. Puis il y a eu une place dans une résidence de fin de vie. Et puis un endroit merveilleux à Saint-Georges et puis de Beauce. Et puis ma blonde est partie pendant finalement un mois et demi quand même à s'occuper de lui, à être avec lui, puis tout ça, puis jusqu'à la fin. Alors moi j'étais seul à la maison avec les kids et tout. Puis, tu sais, ça allait bien, puis tout. Puis, à un moment donné, ça m'a comme rattrapé. Ben oui, c'est sérieux. C'est sûr, ouais. Les repas n'étaient pas aussi hot que ma blonde. Tu sais, on mangeait, puis bon, j'achetais. Puis, tu sais, ben là, les lifts à l'impro, les lifts au hockey, les ci, les ça. Puis, beaucoup de travail ici gestion, aussi à job, là, comme on a eu beaucoup de changements, beaucoup de travail qui s'est ajouté. Puis, tu sais, c'est ça. J'arrive chez nous, je suis brûlé. Ben oui. Et là, il faut que je m'occupe. Puis, tu sais, comme je fais le souper, on mange, je finis la vaisselle, je ramasse les affaires. J'ai rendu genre 8h, 8h30. Puis, c'était le même à tous les jours. Puis là, la fin de semaine, c'est comme, bon, je vais porter lui. Aujourd'hui, je fais l'épicerie le samedi après-midi. Parce qu'à soir, j'aimerais peut-être au moins voir du monde, question de pas me gonner. Parce que demain, je peux pas, parce que je vais porter l'autre à la danse. Puis, il faut que je fasse de la meal prep, là, puis que je prépare les affaires pour la semaine qui s'en vient. Fait que ça a été ça, ma vie. Puis c'était trop. J'avais plus de place là, pour rien d'autre. Puis je voulais être tranquille. Fait que c'est ça. Alors, ma blonde a été partie pendant plus longtemps que prévu. Puis mon fils aussi a eu un tournoi de hockey à Trois-Rivières. Fait que ça m'a pris une fin de semaine au complet. Puis c'était le jeudi soir, mon plus jeune avait une pièce de théâtre après ça, et ici, genre dans Montréal-Nord, à son école. Après ça, on retourne chez nous le soir, tu sais. On retourne chez nous, pogner les bagages, puis tout. On s'en va tout à Trois-Rivières. On arrive là à minuit pour dormir à l'hôtel. Parce que la game de hockey, mon plus vieux, qu'on était à vendredi matin à 8 h. Si, Paul. Puis là, fait que bref, c'est ça. Là, j'étais vraiment Christmas à go. Puis ma blonde était là, tu sais, fait que là, c'est quand on s'était pas vu depuis 3 semaines, là, ben oui. Puis là, elle venait à Trois-Rivières, fait que là, c'était le fun, mais tout de suite après la première game, elle est repartie tout de suite parce que son père allait décéder. Fait que bref, c'est ça. Alors, c'était beaucoup, puis ma tête était pleine, je me suis dit, là, je veux pas perdre le contrôle, puis tomber comme en dépression ou burner ou whatever, fait que j'ai mis au moins le podcast sur pause, je voulais pas le faire à moitié. Alors, ben c'est ça. C'est juste bonne ça. Raison, Caroline. Faut s'écouter. Puis je me serais pas autant écouté avant, tu sais. Puis là, je l'ai fait. Alors, en vieillissant, je pense que c'est important de le faire. Ben oui, prioriser, Caroline. Puis parlant d'écouter, oui. On fait comme un rétro nouveau. On fait des petits, ça prend les meilleurs segways. Segways. Exact. On a l'excellent Julien Paré Sorel. Exact. Grand fan de dinosaures. Julien Paré Sorel est un BDiste. Oui. Comment est-ce qu'on appellerait ça? Un illustrateur. C'est un BDiste. Et puis, c'est lui qui a inventé Aventure aux ors. Donc, ce sympathique petit dinosaure que vous avez, si vous êtes parent, ou peut-être même pas. Hein, si vous êtes amateur de BD et que vos enfants aiment des BD, les chances sont grandes qu'ils connaissent Aventure aux ors. Et puis, il a tout inventé ça. Et puis, ça fait combien de temps que ça roule, ça? C'est quand même beaucoup d'années. Ça fait une couple d'années quand même que ça dure, Aventure aux arts. Oui. Très puis, cool. Je pense qu'il vient de dropper son 7e livre, Dreadlaw, là. Oui. Et puis, lui, Julien, il écoute Rétro Nouveau. C'est fou. Il s'est dit, il a commencé Aventure aux arts, il a commencé à inventer ça, là, puis il a commencé à écrire, puis il a commencé à écouter Rétro Nouveau En background. Mais tu sais, nous autres, on roulait déjà depuis longtemps. Il a commencé au numéro 1 quand il a décidé de commencer à créer Aventure aux arts. Je sais pas il y a combien d'années. Fait qu'il a commencé à créer Aventure aux arts avec l'épisode 1. Puis là, quand il est venu me voir, puis il est allé te voir aussi Bruno, il a fini le dernier épisode de Rétro Nouveau précisément quand il a terminé son dernier album. Wow. Il a pas forcé rien, là. Le timing a été ça, tu sais. Fait qu'on a accompagné Julien. Est-ce que Rétro Nouveau a teinté ses livres dedans? Y a-tu des références? Ah, y a-tu ça? Je me demande s'il me l'a dit. Ouais, je me demande quand même. Mais il est venu ici chez Rétro MTL, puis il m'a tout raconté ça, tu sais. Puis vraiment, le timing, tu sais, ça a tombé direct dedans. Fait qu'il m'a laissé 3 livres, et puis il a fait des beaux. Il a dédicacé ça, puis il a fait des beaux dessins dedans. Puis c'est ça, puis il me parlait, mettons, du méchant ici dans ce livre-là, qu'il est comme inspiré de Dracula, de Castlevania, puis tout. Fait que il y a de l'inspiration de gaming là-dedans à travers Aventure aux arts quand même. Ah oui. C'est ça. Ouais, ben Julien, c'est quand même, c'est tout un gamer aussi, là, puis... Exact. Il était vraiment, moi c'est ça qu'il me disait, c'est qu'il disait que notre show, on donnait le côté... Le côté de la nostalgie des gens de notre génération, il était totalement là, puis ça l'a inspiré à plein d'affaires, fait que ben oui, il beaucoup fait rire. C'est génial. Ben puis non seulement ça, puis pour réussir là dans BD au Québec là, faut que tu grindes en maudit, réussir whatever. D'avoir une publiée, c'est déjà beau. Exactement. Une série, ouais, c'est hop. Mais qui a créé une série de toutes pièces, il a tout inventé ça, les scénarios, les personnages, toute la grosse patente, tu sais, puis vit de ça là. Comme c'est vraiment juste incroyable. De ça, là, parce qu'à un moment donné, comme c'est devenu trop populaire, fait qu'il s'est concentré là-dessus et tout. Ouais. Alors, c'est une grande réussite. Il y a Glovas qui dit que ce poster, son garçon a ce poster-là encore dans sa chambre. Ah, ben, c'est-tu hot, ça. C'est vraiment cool. Il est big, le poster. Il est vraiment cool. Alors, non, c'est ça. C'est vraiment hot. Puis, moi, je vous le recommande chaudement. Ces BD-là sont super le fun. Moi, c'est des BD que j'ai vraiment beaucoup aimé lire. J'ai pas terminé encore. Je suis rendu au tome 5. Mais ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Là. Ouais. C'est drôle. Absolument. Donc, si vous êtes parents, vous, parents qui nous écoutez, ça peut être vraiment intéressant comme produit. faut encourager ça. Puis pour vrai, c'est vraiment ben ouais. Il y a un âge pour les enfants dessus ou c'est Non, ben c'est tu sais c'est mais, c'est, mais plus que tu avances, plus ouais. qu'ils disent ça devient de plus en plus dark là. C'est plus, ça parce que le personnage grandit lui aussi dans l'histoire. Ah, ben. Exact, parce que moi c'est ça avec mon gars, on les avait commencé puis au début Il avait trouvé l'intro vraiment, vraiment rough. Ah ouais? Okay. Puis, parce que c'est ça, il se passe un événement au début. Puis, tu sais, évidemment, il y a tout le temps, genre, il y a tout le temps un héros qui sort d'adversité. Puis, ouais. Ben, au début, tu as cette adversité. Puis, il va sortir de là, tu sais. Mais c'est ça, moi, je pense que, tu sais, c'est les jeunes enfants, là, peut-être comme 8 ans, je trouve, c'est un sweet spot pour ouais. commencer. Puis c'est quelque chose... Moi, ce que j'ai trouvé le fun d'Aventure aux arts, c'est que c'est quelque chose que tu peux lire avec ton enfant, puis tu vas avoir autant de fun, puis ouais, tu vas te poser des questions, puis il y a des intrigues, puis les personnages sont super le fun, sont vraiment bien développés. Fait que moi, je suis certain que tout le monde va y trouver son compte. Là. Pour vrai, c'est très bon. Ah, totalement, totalement. Puis tu sais, mettons ici, vous voyez peut-être au loin cette personnage-ci. Puis là, vous la voyez ici, beaucoup d'albums plus tard. Alors, on peut deviner en regardant les images, là, vous voyez pas bien. Tu sais, il y a des heel turns là-dedans. Des affaires qui vont briser le cœur, tu sais. Puis ça y va de même, tu sais. C'est pas autant tordu que Hachi ou ben Rémi, là. Rémi. Mais tu vas avoir des deuils, tu sais. Ouais. Tu vas vivre plein d'affaires là-dedans. Puis c'est très cool. Puis, non, il m'expliquait tout ça, man, puis j'en revenais pas. Non, c'est pas, le fun. Fait que... c'est vraiment solide. Il se fait de la très bonne BD au Québec. Moi, je l'ai un peu découvert sur le tard, honnêtement. Je me sentais mal, mais j'ai commencé à... Justement, moi, avec la fin de Rétro Nouveau, une des affaires que je faisais plus, c'était lire. Ouais. Puis j'ai recommencé à lire de plus en plus. Je lis beaucoup de comic books. Puis je me suis mis à lire de la BD aussi québécoise que j'achète une fois de temps en temps. Puis il y a vraiment des super bonnes affaires qui se font ici. Là. Absolument. Fait que ouais. Encourageons le talent local. Très important. Jeff, toi puis moi, on a reçu des cadeaux ici. Mais je me demande si on devrait pas repousser ça au prochain spectacle. Ça peut être au prochain spectacle, si tu veux. Il est rendu 8h50 déjà. C'est ça. On peut le voir au prochain spectacle. Je pense qu'on va le repousser au prochain spectacle. Moi, j'y ai joué. OK. Puis comme ça, t'auras le temps d'y jouer. On a reçu des jeux, en fait. Puis c'est des surprises. Alors, je pense qu'on va le garder au prochain show. Puis ça va. Il n'y aura pas de collection aujourd'hui. Fait qu'au prochain show, ça va faire critique et collection. J'en aurai une collection aussi au prochain épisode. Oui, parfait. Voilà. Puis il n'y aura pas de segment Atari Vision non plus aujourd'hui. Par contre, JF, je nous ai dégoté. Oh, wow. Chacun un Burger Time Blue Label comme ça. Tiens, si tu veux le montrer à la caméra. Et puis, parce qu'on se souvient que... Le fiasco Burger Time. Le fiasco Burger Time de Galgator. Le grand fiasco 2026. Qui nous a donné un Burger Time non fonctionnel. Et on était en tabarnak. On avait tous prévu un show là-dessus. Tout était basé là-dessus. Ouais. Tout. C'est comme si la falaise s'était effondrée. Tu sais, comme dans l'océan, le show. Fait que... Fait que ça, c'est ça. Alors, ici, chez Retro NTL, on a tombé sur des copies de Burger Time. J'en ai deux. Blue Label. Et elle fonctionne. M-Network. Puis moi, je l'ai booté. Puis je voulais le tester parce qu'on voulait en faire la critique. Mais tu me diras, moi, j'ai eu un problème. Parce que j'ai essayé les deux. Puis j'ai essayé avec plein de manettes. Puis quand je vais d'un bord, je suis plus capable d'aller de l'autre bord. Ah ouais? Puis avec les deux jeux, puis tout. Là, je sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est-tu ma console? C'est-tu ma vie? J'en ai aucune idée. Alors, t'en as une, j'en ai une, on va réessayer puis tu me diras ce que t'en penses. On pourrait critiquer Burger Time sur Intellivision et Atari en même temps. Ah ben, on fera ça, Du gros contenu de 2026. Exact. Parce que le jeu, il boot, la musique est là, c'est quand même bien fait. Ouais. Puis il y a un ennemi, c'est comme une feuille de papier qui tourne de même, qui flippe. C'est pas le cornichon, là, non, parce que le cornichon, quoi, il vient menu, plus tard. Ou une napkin, je sais pas ce que c'est, il a même pas de l'air d'une saucisse, fait que je sais pas si c'est un glitch ou whatever. Okay. C'est une étrange affaire. Ah bah ouais. Fait que voilà notre mission. Bon, pour, on va checker ça, effectivement. Pour la prochaine fois. Il se passe des grosses affaires ici. Il se passe des affaires ici. Et puis, pour finir l'introduction, je voulais qu'on check le trailer de Castlevania Belmont. Oui. Belmont's... C'est pas Belmont's Curse? Belmont's Curse, oui, en effet. Alors, j'ai fait une publication sur ma page Facebook par rapport à la sortie de tout ça. Et puis, Belmont's Curse, dans le trailer qu'on va voir à l'instant. Je le cherche, je sais pas où je l'ai mis. Que JF va nous mettre. Ça se passe 25 ans ou 35 ans après Dracula's Curse, qui est le Castlevania 3 au NES. Je me rappelle plus si c'est 25 ou 35. OK. Et puis, on voit Trevor Belmont à la fin de ça. Puis, on voit un personnage féminin qui n'a pas été nommé. Et puis, on a appris, je crois, la semaine dernière, que le personnage sera Sonia Belmont. Sonia. Et puis, Sonia Belmont, si vous ne saviez pas, était la personnage principal de Castlevania Legends au Game Boy, qui est le troisième jeu Game Boy qu'il y a eu de Castlevania. Et puis, ce personnage-là était un peu... était pas... Cette histoire-là de Castlevania Legends... à fucker le timeline. Okay. Fait qu'ils ont juste retiré ça du timeline. Ah. Mais dans Legends au Game Boy, t'es Sonia, puis t'es la descendante d'un Belmont. Et puis si on se fie au vrai timeline, Leon Belmont de Lament of Innocence devrait être pas loin de là. Mais il en parle pas parce que, bon, tout ça s'est fait après au PlayStation 2. Mais Sonia rencontre Alucard un moment donné dans Castlevania Legends au Game Boy, puis il se fight. Alucard la challenge pour voir si elle est assez forte. Pour aller affronter son père Dracula. Puis bon, voilà, on gagne, pas le choix, sinon on peut pas continuer. Puis on bat Dracula, puis à la fin, on voit Sonia avec un bébé. Et puis, ça serait sous-entendu, mais quand même assez clair, que le bébé est... le père est Alucard. Donc, Alucard et Sonia ont fourré. Ah. Et puis, le bébé aurait peut-être été Simon, donc de Castlevania 1. Mais là, tout ça fait pas de sens selon le timeline. Ouais. Dans ce timeline-ci du nouveau Castlevania, Sonia serait le bébé de Sifa et Trevor de Castlevania 3 au NES. Et là, si ça se passe 25 ans après, ben Sonia elle a 25 ans. Ça fait du sens, ouais. Puis d'après moi, elle va rencontrer Alucard dans ce château-là, certainement, parce qu'Alucard est un sidekick de Sifa et Trevor pour aider dans... Tu sais, ils se connaissent. Ouais. Alors, je suis sûr qu'Alucard va être là-dedans un moment donné. Et est-ce qu'ils auront un bébé à la fin, comme Legends? Peut-être. Et est-ce que ce bébé-là sera Simon pour continuer la ligne propre, tu sais, du timeline? Ouais, ça reste du timeline. Ça ferait plein de sens. Vrai. Parce que Richter, lui, vient plus loin, tu sais. Puis il y en a d'autres qui s'insèrent à travers la ça. Legacy. Mais Simon est quand même un Belmont important. Puis Richter aussi. Mais tout ça pourrait être raccord, les gars. Tout ça pourrait boucler la boucle. Fait que je suis bien excité de ça. Il y a Retro Gamers Fans qui dit « Dom maîtrise son lore en hostie. » Ah, ça n'a pas d'allure. Fait que toi, Bruno, qu'est-ce que t'as pensé de ça, ce trailer-là? Moi, j'ai trouvé ça absolument merveilleux. Puis j'ai l'impression, en fait, qu'il y a vraiment un gros lien, autant au niveau de la direction artistique que du mood à la série télé. En fait, tu sais, puis que moi, c'est ça qui m'a déstabilisé la première fois qu'on l'a vu. Ouais. C'était comme je m'attendais pas à ce qui amène ce style-là. Puis là, je sais pas, ça fait une couple de fois je le regarde, je suis comme non, c'est fucking cool là. Ouais. C'est malade, puis il a l'air, tu sais, le jeu a l'air de vraiment bien se contrôler, puis tu sais, c'est vraiment top notch au niveau du mouvement. T'as le feeling Metroidvania aussi encore, puis. C'est vrai qu'au niveau du visuel, ça rappelle un peu la série. Hein? Oui. Je trouve que la palette de couleurs, tout ça, puis tu vois que les cutscenes, c'est directement inspiré. Là. Si c'est des cutscenes, mais en tout cas, les moments qu'on voit, là, juste la façon que le visage est dessiné, raison. Tout ça, c'est tellement pareil. T'as raison, j'avais même pas réalisé avant que tu le dises. C'est ben trop vrai, ça ressemble énormément. Puis là, quand tu fais le lien. Puis, admettons, tu mélanges les deux, tu fais, admettons, ça aurait été quoi, tu sais, s'il aurait pris, tu sais, Symphony, puis ça dit, tu sais, on fait de quoi à la Symphony, sauf qu'on s'inspire du nouveau look de Castle, ben, ça donne pas mal ça. Ça va être pas mal ça, en effet. Mais c'est hot, je trouve, là, c'est vraiment cool. Puis, moi, j'étais très content que ça existe encore. Ah, parce que je pensais qu'on pensais pas revoir un Castlevania de mon vivant, là. Un vrai, là. Je pensais pas, là, tu sais. Eh non. Puis, fun fact, j'ai vécu quelque chose. Ça, c'est fait par l'équipe qui ont fait Dead Cells. Mm-hmm. Puis, de là, sûrement Konami se sont dit, vous avez fait une bonne job avec le Dead Cells Castlevania, là. Ouais. T'sais. Et puis, Ils ont continué le projet. Puis, il y a quelqu'un chez Retro MTL, un moment donné, qui nous a écrit sur Messenger là, pour nous dire quoi. Alors, je me rappelle plus quoi. En tout cas, belle boutique, c'est vraiment le fun. Puis, j'ai vu plein de jeux de Castlevania. En tout cas, j'espère que vous allez aimer le prochain. Là, notre équipe travaille dessus. Ah ouais, oui, je suis comme, wow! J'ai partagé ça sur Discord, okay. En fait, dans le thread de Papa Cassette. Puis là, j'ai dit, oh my god, t'es dans l'équipe qui travaille sur le prochain Castlevania, tu sais. Puis là, j'ai dit, hey, il faut que vous mettiez du lore là-dedans, puis tout ça, tu sais. Puis elle a dit, ah ouais, ouais, là, des gros clins d'œil, puis on travaille fort, puis on va être à la hauteur. Nice. Fait que la fille qui est directement pluguée là, à la source, m'a réconforté, puis elle est venue ici, en magasin, elle était de passage, chez des Français, eux autres, en fait. Donc, peut-être de passage à Montréal. Il y a un peu de toi là-dedans, Dom, là, peut-être. Ben, peut-être que j'ai inspiré quelque chose avec un Castlevania au NES en bas, je sais pas. Mais c'est vraiment le fun. Ah oui. Fait que, puis moi, au début, pour vrai, j'étais comme, tu sais, c'est nice, mais on dirait que c'est pas spécial, tu sais, des genres de hack and slash, Metroidvania de même, bien sûr, il y en a. Exact. Puis on dirait que tranquillement, mon mindset est en train de changer, puis je me mets de plus en plus à être à avoir hâte puis apprécier cette affaire-là, puis je pense que ça va être vraiment plus que ce que je pense, tu sais. Ouais, je pense aussi. Fait que, c'est moi, je pense que c'est ça. Ils réussissent à le moderniser quand même. Ouais. Puis, tu sais, je pense, tu sais, justement, le Prince of Persia qui était sorti de Ubisoft, tu sais, est une bonne preuve. Je trouve qu'on peut faire comme un genre de AAA, tu sais, avec un platformer comme ça. Absolument. Puis ça, je trouve, ça a l'air d'être vraiment du même calibre, tu sais. Puis je trouve aussi, il y a une autre affaire, tu sais, j'aimerais ça que les gens puissent m'expliquer comment qu'on fait pour commencer le DLC de Castlevania dans Dead Cells. Amen. Parce que moi, je l'ai acheté. Tout le monde me dit, hey, t'as-tu assez? Je pense qu'il faut que tu te rendes à une place. Je pense qu'il faut que tu te rendes à une place puis que tu tombes dedans, tu sais. Puis comme pour Bloodstained aussi, la fille de Bloodstained, elle a une run dans Dead Cells aussi. Ok. Là, je suis comme, ah, là, tu as essayé. Je suis comme, oh, fuck no, man. Ouais. Je sais pas c'est où, mais j'ai pas envie de chercher. Hey, moi, je me suis un samedi soir, j'étais comme, holy shit, ça existe, ça. Bye, je l'ai acheté, j'ai commencé le jeu. je le trouve Déception. Pas partout. Je suis comme, Colin, le trailer était malade, mais comment commencer? Ah, un vrai casse-tête. Un vrai. T'as assez, c'est souliers. Ouais. Quel casse-tête. Ouais. Acheter ses lancers. Quel casse-tête. Choisir un lancer. C'est quel casse-tête. C'est dans Paris. Ouais. Ah, ouais, je me souviens pas de ça. Oh boy. Ah, fait qu'écoute, ça conclut l'introduction. De une heure. De une heure. Ouais. Et puis, ben on a chacun une critique. Toi, JF, c'est quand même volumineux? Ben oui puis non, là. Ça peut aller très vite aussi. Là. Ah, bon. Ben, allez-y. Qui veut le faire en premier? Vas-y, JF, je suis intrigué, justement. Allons-y, donc, voici. On vous parle ce soir de UFO 50. Oh, OK, je comprends le commentaire, là. développé publié par Moss Mouth, et c'est disponible tout récemment sur Switch, et c'était disponible en 2024, je pense, sur PC. Ouais. Donc, ce que c'est UFO 50, c'est comme si on avait accès à un full set d'une console rétro pré-NES. Ben, c'est en fait... Ben, c'est plus un, ben ouais, c'est 82 à 89. C'est hein, début NES, en fait, ouais. Puis, mais c'est comme des jeux NES, on va se dire. Ouais, c'est des jeux rétro. Qualité jeux NES. Il y a deux pitons. Il y a deux pitons, et c'est ça. Donc, dans le lore de ce jeu-là, c'est que l'équipe de développement Moss Mouth aurait trouvé un micro-ordinateur qui était le Laser X, donc le Helix, et il aurait... restaurer tous les jeux vidéo qui venaient avec cette console-là. Ils nous offrent ça dans cette belle collection. Ah ouais, hein, c'est super ça. Méta, là. Puis c'est les gens de Spelunky qui ont travaillé là-dessus, là, notamment. Oui. Là, en effet. Fait que ça, c'est une collection de 50 mini-jeux qui datent de 82 à 89. Donc, t'arrives là-dedans, puis t'as une interface comme, genre, c'est des petites consoles, là. Pas des consoles, des petites cartouches de jeux, des petites disquettes. C'est un micro-ordinateur, comme je dis. D'ailleurs, ils l'ont comme un peu modélisé. Là. Des fois, tu le vois, là, puis c'est ça qui justifie le fait que c'est en widescreen. C'est qu'il y avait un écran widescreen sur le petit micro-ordinateur. Là. Ouais, fait que c'est ça. C'est 50 jeux là-dedans que tu peux avoir accès. Évidemment, tu commences au début, là, puis 82, les jeux, c'est beaucoup plus, c'est très, très... des mouvements très lents, du NES, là, un peu, vraiment. C'est rough, ça fait mal un peu. Ah ouais. Puis plus t'avances, plus ça évolue. C'est dur parce que on peut pas risquer tous les 50 jeux de tout ça, puis j'ai pas joué aux 50 jeux encore. Je suis peut-être rendu à une trentaine d'essayer, là. Dom, je sais que tu ajoutes aussi pas mal. Là. Moi, je les ai toutes bootées, à okay. tout le moins. Puis il y en a que j'ai abandonné immédiatement. Ouais, ouais. Ouais. Il y en a que je suis tombé deep dedans. Là. Moi, j'ai voulu être tight, tu sais, puis je les ai commencés. Puis là, je suis rendu à 8, puis j'avoue que j'ai abandonné. Là. Ah, il faut pas que tu abandonnes. Ben, moi, pour vrai, puis tout le monde est comme Dom, s'il y a quelqu'un qui va triper là-dessus, c'est bien toi. Ouais. C'est comme 50 jeux NES. Très deep, sont ouais, ouais, mais c'est ça l'affaire. Bon. Mais pour vrai, au début, j'aimais pas ça. Parce ouais. que je tombais sur des styles que j'aimais pas. Puis il y a tous les styles. Oui, là-dedans, là. Ouais. Puis, on la voit, la console. Là. Non, ah, puis je trouvais ça, qu'il n'y avait pas de structure, en fait. Ça part, puis on dirait vraiment que tu viens de trouver cette affaire-là. Ouais. Comme une cassette 32 en un. Mais ça pas fait pas partie nom, du charme, je pense, un peu aussi. Que exact. T'es pris dans comme, OK, c'est quoi ça? Comment je joue à tout ça? T'es pris, hein, madame? T'es pris. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a une continuité. C'est logique, leur suite. Puis t'as des suites de jeux à même la collection. T'as des oui, genre deux, des trois. Personnages des, qui sont ouais, dans plusieurs t'as des personnages qui reviennent. T'as des thèmes musicaux qui recroisent. Tu vois là-dedans. Là, c'est vraiment très bien. Là. Il y a plein de jeux, moi, qui m'ont vraiment fasciné à date. Là. Ça, c'est pas pire. Le jeu genre de. Que tu mets bubble, mais que tu kicks un ballon de soccer. Ouais, exact. Là. Ouais. Ou c'est du, non, c'est du tennis, je pense. Puis c'est contre du volleyball. Ou c'est. On, vu d'autres choses, mais là on a vu tantôt, il y avait des trucs, des monstres, il y a des schmops. Ça, ce genre de schmop de char là, man, c'est incroyable. Vraiment, là. C'est malade. Il y a des beat'em up, comme je dis, il y a un RPG qui est très très deep. Là. Il y a un Pocky and Rocky que j'ai trouvé vraiment bien fait. Il y a un Metal Storm, c'est de ça qu'on on vient de voir le bonhomme. Là. Moi je ouais, ouais. dans là, le Metal Storm, là, pour vrai, c'est un robot qui colle au plafond puis au sol. Ça c'est vraiment hot. T'as ça, un genre d'ajout de curling sur du gazon, très weird. Là. T'as des affaires très très deep, des affaires vraiment plus en surface. T'as des jeux qui sont multijoueurs aussi, fait que ça c'est bien. Moi, puis Bonhomme. Il y en a plusieurs à part. On a exploré une coupe, ouais, c'est quand même très très bien. Point and click, c'est pas mis un shmup, là, fait que ouais. ça va vraiment dans tous les sens. Comme ça, là. Ah, ça, c'est un genre de windjammer, mais avec des samouraïs qu'il faut qu'ils renvoient des ballons, là. Exact. C'est vraiment très bien. Puis en plus de ça, il y a un genre de meta-level que tu peux aller dans un terminal. Quand tu fais pause, tu as un terminal, puis tu peux rentrer des codes. Fait que quand tu finis des jeux ou tu checks le Attract Mode, mettons, ils vont te mettre des codes, puis tu peux rentrer des codes, puis tu arrives comme dans le background du jeu, puis tu as des affaires que tu peux aller jouer. Hein? Tu peux aller partir des jeux random avec des commandes. C'est vraiment cool, là. Ça, je savais pas ça. Mais c'est, ouais, ouais, ben, c'est dur. Faut que tu checkes vraiment longtemps, puis il faut que je gosse un peu sur le net pour voir ça, mais c'est fou, pour vrai. Puis moi, c'est... la profondeur de chaque jeu qui m'a fasciné. Vraiment. Mais vraiment. C'est ça que je comprends pas, genre, comment ils ont réussi? Hey, je sais pas. Hey, ben, c'est 50 projets différents, là. Plus, c'est tout ce qu'ils ont fait. Ça a pris 8 ans à construire ce jeu-là, par contre. Ah, 8 ans. OK, my God. Donc, c'est peut-être pour ça aussi là, que ça y en a autant, mais même à ça, là. Hey, c'est mon est-ce que gars, ça fait mal, paraître, l'industrie, Bruno, de donner autant de qualité dans un jeu, hein? Mais c'est ben, 8 ans par oui. contre. C'est mais 8 ans, oui, par exemple. Mais 8 ans, une équipe de 6. Ouais, qui ont ouais. sûrement d'autres jobs et d'autres affaires, j'imagine. Exact. Ils peuvent pas vivre de faire ce jeu-là pendant 8 ans. Là. Non, c'est ça. Moi, j'ai comme l'impression que c'est une équipe qui testait des gameplay loops ou justement des mécaniques de jeu. Puis là, ils se disaient, ben, regarde, on va prendre les mécaniques de jeu puis on va juste comme mettre ça. Puis s'il y en a des pas bons, c'est pas grave, ça va. Ça mais c'est, même pas, c'est même pas bon. T'sais. Non, c'est ça. Tout est bon. Tout est bon. Même c'est que t'aimes tout pas, est achevé. Fait, ben, exact. Tu sais, il y a, mettons, il y a un jeu comme Wizardry. T'sais, moi, je jouerais pas à ça. Puis ouais. des tactiques de point and click. Ouais. Je suis comme, ah, oh, man. Mais je suis sûr que si j'aimais ce style-là, j'irais là-dedans, là, puis je capoterais exact. Ma vie. Là, t'sais. Mais, man, il y a des beat'em up, il y a un jeu de golf de même, là, très cell phone, là, si je peux dire. Ouais, là, ouais. Il y a tout. Chaque style, il y a des brick breakers. Y a-tu un brick breaker? Je pense pas. Il doit bien en avoir un. Je l'ai pas vu en tout cas à date. Là. Il y a un autre jeu de petits tanks qui colle au ping-ping ouais, au ouais, plafond. Ouais. Là, pis tout. Pis, j'ai ah, man, vu les noms, là, mais ouais, fait, là. Il est le fun celui-là. Là. De ce temps-ci, je suis sur Chameleon aussi. T'es un petit caméléon, puis tu peux prendre la couleur malade, de la plateforme, puis c'est un puzzle. Faut t'aller déplacer dans des zones. C'est vraiment très, un puzzle. Très bien fait. Là, tu dis non seulement ces gars-là, ils ont fait 50 jeux, mais mettons ce jeu de puzzle-là de Chameleon, man, il est accompli. Tellement. Le level 3, il y a tellement d'étapes et de réflexions. Ouais. Tu dis, Chris, il y a combien de levels dans ce simple jeu-là que les gars ils ont pensé à chaque étape? Combien il y a d'heures de gameplay? Tu peux perdre une heure à deux heures dans chaque jeu facile, là, sans forcer. Là. Fait que ça, c'est un jeu de WEG qui peut juste à lui être un WEG. Ben oui. Ça, c'est un jeu pour toujours. Là, comme tu sais, puis il y a des accomplissements aussi pour avoir le trophée. Mettons, ils disent dans tel jeu, il faut que tu fasses ça. Dans lui, il faut que tu fasses ça. Fait que là, tu peux un peu virer fou à essayer de faire ces affaires-là aussi. Là, fait que. À chaque WEG, Bonin, il joue à UFO 50. Il fait 3-4 WEG qui jouent. On a plein de nouveaux jeux. Là, c'est. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup de stock là, pour. Vous en avez pour votre argent dans ce titre-là. Ça me faisait penser justement, tu sais, à. En fait, moi, c'est pour ça que je le compare un peu à Arcade Paradise, je pense que ça s'appelait. Ouais. Puis ce que j'aimais dans Arcade Paradise, c'est que t'avais comme un contenant où t'avais des objectifs, tu sais. Je pense que j'étais un peu plus de même de côté cerveau, tu sais. J'aime qu'il y ait des objectifs puis des trucs à cocher. Puis là-dedans, c'est ça, c'est que t'es un peu, t'es comme « here it is ». Fait que tu peux partir n'importe lequel. Fait que tu sais, c'est... Moi, je pense que c'est ça. Puis il y a le... J'ai un collègue qui m'avait dit, justement, il m'avait dit « garde, si t'arrives pas à embarquer... Va sur Reddit, il y a vraiment il y a des tops, ouais, des meilleurs jeux, tu sais, puis il y a du monde qui discute puis qui font des walkthroughs de jeux parce qu'il dit il y a des jeux là-dedans, man, ça va te prendre 2 heures, 3 heures à le finir. Ah oui, même si c'est un jeu de NES, tu sais. Fait que c'est hot, là. Il y a beaucoup plus de profondeur, justement, que dans Arcade Paradise. Là. Oui, que j'ai adoré, mon Arcade Paradise. Ouais, j'ai adoré aussi, ça. Là, vraiment. Mais ça, c'est un jeu. C'est... Il n'y a pas de fin, là. Comme il y a tellement de stock. Hey, ben oui, ce jeu-là, ça, avez-vous joué super, à ça? Ouais, j'ai joué avec j'ai pas joué à ça. Ce petit platformer-là, t'es-tu rendu un petit peu loin ou est-ce qu'il te rajoute une affaire? Faut que tu changes de dimension, là, si t'en sais. Ouais. Il y a plus que ça, là. Ok, je veux juste pas. En tout cas, je vais le spoiler parce que c'est malade. Ouais, non, vas-y. T'es une petite fille qui se fait embarrer dans le cabanon par sa grande sœur, là. Puis elle dit, reste là une couple d'heures, je m'en vais, tu sais. Puis là, t'es avec ton chien. Non, mais c'est funny. Puis là, il y a des affaires dans le cabanon. C'est juste une petite pièce. Ouais. Puis là, elle dit à son chien, ça serait le fun si on pouvait rapetisser. Ouais, le chien, il dit ça. Ah, je pense que si on se penche puis on pèse par en bas, on peut rapetisser. Fait que là, tu rapetisses. Puis là, tu deviens petit dans le cabanon. Okay. C'est un grand univers. Tu peux grandir en tout temps. Tu dis, je vais me tasser par là dans le cabanon. Je vais rapetisser à cette place-là pour être genre dans la plante. Ouais. Puis là, tu joues. Puis tu comme, Chris, c'est un deep univers. Mais après ça, tu rends plus loin dans le jeu, tu rencontres quelqu'un qui dit, tu sais que tu peux rapetisser encore. Ah ouais, ben ça, je l'ai vu. Fait ça, que là, tu zoomes encore plus in dans l'univers. Puis là, t'es dans les fibres du tapis, puis dans un univers d'atomes, man, puis de particules. Man, tu zoom in, puis tu double zoom in. Tu sais, c'est un univers qui va vers le plus petit, tu sais. Fait que là, man, quand j'ai vu ça, je suis comme, oh my god, ce jeu vient de devenir gigantesque. On peut aller partout, fois mille. Juste c'est ça, merde. Celui-là, il est bon, ben malade. Celui que tu poses des blocs, faut t'amener un bloc dans un trou. J'ai abandonné vite, j'avais pas l'intelligence. Ouais. Ça prend un esprit le supérieur. Le schmop, faut que tu fasses des photos pour freezer. T'as-tu joué à ça? Oui. Ouais. C'est dur, j'ai joué, c'est vraiment dur. Il joue à deux, celui-là. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Le beat'em up est super le fun aussi, là, j'ai trouvé. Ah, il est dur aussi. J'aimerais le faire à deux. Et il y en a que j'embarquais pas, puis juste comme c'est juste pas pour moi, mais ça a l'air d'être très complet, ça. Ouais. Vraiment fantastique, là. C'est un jeu parfait pour aller sur la Switch. Là, c'est, Ben oui, absolument. Vous voulez jouer à ça. Donc, vraiment. Ça s'appelle le UFO 50. Ouais, il est quand même pas si cher que ça. Là. Bon, une quarantaine de piastres, peut-être. 50, mais tu sais, c'est ça. Moi, je l'ai payé 20 piastres. Il revient souvent en spécial, puis tu peux l'avoir pour pas cher. Là. Puis il est sorti en physique il y a pas longtemps. On a eu ça chez Retro MTL, puis on a recommandé. Fait qu'on en garde tout le temps une coupe en stock. Ça, c'est un jeu qui va rouler à l'année. Là, puis c'est un must, à mon avis. Ah, vous allez t'as fait ça longtemps, là, mais vous allez avoir beaucoup d'heures à investir là-dedans. Oui. C'est excellent, et pour toutes ces raisons, je vais donner un 4 pommes et demi. Ah oui, sur facile, 5 pommes. Facile. Quasiment même et 3 quarts, comme, ma mère. Excellent. Voilà. Ben, good. All right. Veux-tu le faire, Bruno? Parce qu'après ça va être les questions. J'ai l'impression que c'est toi qui vas parler beaucoup. Fait que parle, après je vais parler, tu vas te reposer, tu vas manger, puis après tu vas pouvoir parler. C'est parfait. Hein? Mais là, fallait-tu que je t'envoie des pommes? Non. Tu me dis live. C'est le fly. On prépare plus rien ici. La seule raison pour qu'on fait le show encore, c'est parce qu'il n'y a rien à préparer. Jamais. Ouais, c'est ça. Exact. Ah boy, ok. Fait que Mini Shoot Adventures, qui est développé par Souls Game Studio, et c'est disponible sur tout. En effet, c'est disponible sur tout. Moi, j'ai joué à ça sur la Switch 2. Mais on peut jouer sur la Switch 1 aussi. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Fait que si vous n'avez pas une Switch 2, malheureusement, vous pouvez jouer quand même. En fait, ce que c'est Mini Shoot Adventures, très simplement, c'est tu es ce petit vaisseau-là, et ce petit vaisseau-là doit réunir d'autres petits vaisseaux et petits robots de l'univers pour aller les sauver. puis les ramener au centre de l'univers. Et c'est ça, comme on voit à l'écran présentement, c'est un mélange de Zelda et de Metroidvania. Et ben, c'est un twin-stick shooter Zelda. Là. Exact. C'est un twin-stick shooter Zelda. Bullet Hell, twin-stick shooter Zelda. Comme ça vraiment, là. Là. Puck. Oh, wow. J'en ai oublié. Le Puck. Là. Un de mes meilleurs gags. C'est merveilleux. Puck. Mais oui, en fait, ce jeu-là a l'air de rien. Absolument rien. J'ai jamais entendu parler de ça. Puis là, il y a eu un Nintendo Direct. Oui, justement, il était dans dernièrement. Le Nintendo Direct. Il était dans le Nintendo Direct. Puis là, moi, j'ai regardé le trailer. J'ai fait que, crime, c'est direct quelque chose qui m'intéresse, cette affaire-là. Je me suis dit, en plus de ça, ben, tu sais, il est pas si cher que ça. T'sais, c'est une affaire qui va se finir en 2 heures. Ben non, quand même assez deep, une bonne map. Beaucoup de choses à découvrir. Puis en fait, la façon que ça fonctionne, c'est que tu t'en vas dans des zones. Ta map est divisée en plein de zones que tu découvres au fur et à mesure. Tu n'as pas toute la map au début. Puis tu vas avoir des objectifs quand même clairs sur ta map. Ça va te montrer une petite map comme ça. Puis là, tu vas voir, admettons, on voyait une tête de mort. Ouais. Ben là, faut que tu ailles à cet endroit-là. Mais t'as pas de petite map à l'écran. Ce qui peut paraître vraiment gossant, oui, mais ça marche pour ce jeu-là parce que la map est un peu plus petite, puis ça te force à essayer de justement de découvrir les choses, à explorer dans la map. Parce qu'il y a plein d'affaires que tu peux découvrir. Tu peux découvrir des petits passages secrets qui vont te donner un power-up pour quelque chose. Parce que tu peux améliorer là-dedans, il y a un arbre d'amélioration. Tu peux améliorer ton tir, ta vitesse, t'as un dash là-dedans. Ouais. T'as un moment donné, tu peux avoir un jump. Ce jump-là, tu l'as pas direct en partant. Fait qu'il y a plein d'habiletés que t'as pas direct en partant, comme un bon Metroid, mais un bon classique Metroid. Fait que direct au début, t'as pas tout, par exemple. Fait qu'ils font pas comme dans Metroid, puis te donner le vaisseau le plus malade du monde, puis après ça, tu l'as plus. Direct en partant, t'es comme moyen, t'as un P-shooter, les bébites sont pas super fortes. Direct en partant, t'sais, comme là, justement, ça, c'est un des premiers boss que tu trouves, qui est comme un genre de mini-boss. Puis, tu sais, c'est assez facile à éviter. C'est ça, c'est assez simple. C'est assez simple. Fait que c'est ça. Il y a quelqu'un dans le chat, justement, qui disait, s'il y en a que ça intéresse, c'est disponible sur Game Pass, en effet. Il est disponible sur Game Pass, puis allez chercher ça maintenant. Je veux mentionner aussi que c'est pas un jeu qui vient de sortir. Hein? Non. Je pense que ça a déjà comme quasiment 2 ans sur Steam. Sur Steam, encore. Ça fait longtemps exact. Que ça existe. Puis il y a, Shadow Drop sur la Switch. Ah, c'est ça. Puis ça, c'est très cool. Déjà, un Shadow Drop, ça te donne tellement une belle opportunité de te faire connaître. Fait que j'imagine que c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Mais c'est ça, bref, là-dedans, une chose que j'ai trouvé vraiment très cool, c'est que, un peu comme un de mes jeux préférés que je parle tout le temps, puis que tout le monde sont comme « ok, ouais, mais Gato Roboto », qui est un de mes jeux préférés. Et la raison pourquoi Gato Roboto, je l'ai aimé tant que ça, c'est que c'est un jeu qui se fait d'une shot, ou en 2 shots. C'est comme, tu sais, peut-être... Celui-là, là, je te dirais, là, 2 settings, là, puis c'est terminé, puis tu as eu la meilleure aventure de ta vie, puis tu vas peut-être, après ça, revenir dedans pour débarrer d'autres choses, parce que tu peux finir le jeu même si tu n'as pas fini la map à 100%. Ouais. Parce qu'il te donne quand même un certain choix, une certaine liberté sur comment tu veux finir le jeu. OK. Fait que j'ai trouvé ça vraiment cool, là, qu'il te donne cette liberté-là. Puis il y a assez de power-up puis de choses à améliorer sur ton vaisseau pour que tu aies le goût de continuer puis de grinder aussi pour toujours améliorer ton vaisseau puis avoir des meilleures balles, plus de dégâts, plus d'impact. Puis tu sais, honnêtement, c'est pas mal ça le jeu. Il n'y a pas tant plus à savoir que ça. Visuellement, c'est pas un jeu exceptionnel, vraiment pas. Non, mais ça a son charme là, quand c'est même. C'est ça, ça a son charme, ça marche pour ce que ça doit être. Ça me fait penser un peu au, au jeu qu'il y avait dans le temps de Pixel Junk. Oui, exact. Ah, ouais, ouais. Exactement. Vraiment. Tu sais, vraiment vectoriel, là, très cute. Là, c'est... Mais ça fonctionne à merveille. Puis je pense que ce jeu-là, là, maintenant, mes enfants sont grands, c'est des ados. Mais si j'avais un jeune enfant présentement, je pense que je donnerais ça pour son premier jeu. Ouais. Amuse-toi, tu sais, tu peux pas. Parce que en plus de ça, une chose qui est super bien faite dans ce jeu-là, je l'ai mentionné tantôt, c'est le fait que le jeu, dans un sens, la difficulté progresse avec toi. Ils te permettent pas d'aller dans des zones où t'arriveras pas à faire ce que tu as à faire parce que t'as pas les armes qu'il faut, t'as pas le débit de tir qu'il faut. Fait que j'ai trouvé que c'était vraiment bien pensé, bien réfléchi. Fait que petit jeu vraiment, vraiment bien, bien solide, qui coûte vraiment pas cher. C'est un jeu qui coûte 20$. Puis c'est ça, tu sais, je pense qu'il il doit avoir à peu près quoi. Si tu veux le finir en une shot, je pense que ça serait peut-être un 3h30, 4h quand même. Bon, c'est pas pire. Quand même. Fait que tu sais, ça a de l'allure. Mais après ça, tu sais, ça revient cher de la minute, mais là, c'est ça coûte, là. Hein? Ouais, c'est mais que, ça, c'est si j'aime tu ça veux. Des fois quand ça va vite. Exact. Ça, c'est si tu veux speedrunner. Sinon, je pense que tu en as à peu près pour 6 heures. Là. Fait que tu sais, c'est vraiment solide. Mais tu sais, c'est ça, c'est du bonbon. Il n'y a pas de moment extrêmement frustrant dans ce jeu. Sauf peut-être, c'est ça, le dernier boss, il est quelque chose. Fait que ça, c'était assez surprenant. Il a fallu que je le recommence une couple de fois. Mais sinon, pour vrai, ça se fait vraiment, vraiment, vraiment bien. Fait que c'est ça. Pour tous les fans de Zelda, c'est pas Bullet Hell tant que ça, by the way. Ouais, ça fait plus peur. Tantôt, il montrait, là, mais ouais. C'est vraiment, vraiment pas ça. Ah oui, à la fin, quand t'as tes tirs de Mongol, c'est merveilleux. mais c'est ça, c'est pas Bullet Hell tant que ça. Je dirais que c'est plus, tu sais, c'est plus un jeu, honnêtement, qui m'a fait penser à Zelda en y jouant, tu sais. Ouais. T'es vraiment, là, t'as vraiment le même feeling, la même vibe. La musique, c'est vraiment, c'est comme des espèce de petit lo-fi tranquille, super agréable, ouais. Smooth, même quand t'es dans des bouts rochants. Fait que c'est drôle. C'est comme en plus, ils ont mis une attitude cosy sur l'affaire. Alors que, alors que ça c'est brasse. Vraiment pas cosy. C'est la fin du monde. Genre. C'est ça, tu sais. Fait que très cool. Pour vrai, aller acheter ça maintenant. Très bon. Combien de pommes tu donnerais à ça? Moi, ce jeu-là, je vais y donner, à cause du temps que ça prend pour le finir, je vais y donner un 4 pommes sur 5. Pour tu sais, légèrement sévère sur les pommes. Mais pour ça. La longueur, ouais. Pour la longueur, tu sais, parce que c'est pas si long que ça. Mais honnêtement, tu sais, j'en prendrais un deuxième immédiatement. Là, ça se fait. Ça se fait sur une gosse, comme dirait mon grand-père. Ben oui. Moi, de mon côté, je vais aller complètement ailleurs avec Fate, oh, yes. The Unholy Trinity. Donc, au dernier WEG, Bruno t'a assisté à ouais. cette séance-là. Ouais, ouais, j'étais là. Puis j'en ai parlé dans l'épisode du WEG, du retour du WEG qu'on a fait ici. Donc, on avait un cinéma maison là-bas, c'est-à-dire une grande salle avec un écran géant, puis des sièges style cinéma. Dans laquelle on fermait la lumière, puis notre bon ami Matt Bennett nous a fait découvrir ce jeu-là. Donc, il s'agit d'un jeu d'horreur, dans le fond. Tu peux mettre du gameplay, JF, parce que je pense que j'en ai beaucoup. Et puis, c'est un jeu d'horreur, mais au look, comment dire, quoi, Commodore? Ouais, Commodore. C'est pas 8 bits, là, c'est genre un petit bonhomme sur fond noir. Là, c'est, ouais, exact. Mais c'est... moi, je l'ai vraiment vu comme un jeu de Commodore. Ouais. Exact. Là, on met le trailer, alors vous voyez des animations, là, qu'il y a beaucoup. Ben, il y a des animations entre les scènes, entre le gameplay. Alors, bref, c'est ça. Tu es un curé qui s'appelle John. Et puis, John doit aller pratiquer un exorcisme sur une petite fille qui habite dans le bois avec ses parents, là, tu sais. Et puis, tu y vas avec un exorcisme sur Amy. Et puis, ça tourne mal. Et puis, Amy se sauve, là, tu sais. Puis, il y a trois chapitres, hein, ce jeu-là, en passant. Et puis, sur moi, j'ai acheté le jeu neuf, là, ouais. Le jeu physique. Et puis, il y a les trois chapitres dessus. Mais je sais pas comment... Ça vient pas juste de sortir, ça, là. Fait que je sais pas comment c'était. Temps. C'était juste digital, ben, numérique. Puis, à un moment donné, il y a un chapitre. Puis après, la personne peut-être, derrière ouais. ou les personnes derrière ont fait un autre chapitre. Je sais pas. Je pense qu'il y avait des épisodes. C'est ça. Ben, il y a trois épisodes qui sont connectés. Puis, les trois chapitres d'image qu'on vient de voir. C'est tellement Puis les trois chapitres sont connectés. Alors, dans le premier chapitre, c'est ça, c'est John qui rate un peu l'exorcisme de Amy. Et puis là, elle se sauve, tu sors dehors. Puis là, tu peux faire cinq fins différentes du premier chapitre. Okay. Puis là, dans le deuxième chapitre, il y a un autre pasteur, un autre curé, là, si je peux dire, qui se réveille puis qui vit des affaires avec d'autres enfants. Et puis, c'est tout, je l'ai même pas dit, là, mais c'est tout autour de ça, c'est du satanisme. Ouais. Là. Il y a de quoi qui se passe, puis il y a un culte, il y a un gourou, genre, qui est en train d'essayer de... qui veut ramener un démon, et puis pour ce faire, il y a besoin de... Quel détonnant! Ouais. Pour ce faire, il y a besoin de vessels, là, il y a besoin d'humains, ouais. Puis de sacrifices, puis tout ça. Alors, les curés, ils explorent un petit peu tout ça, là, si je peux dire. Puis le troisième chapitre, c'est une autre affaire, tu sais, puis là, ça se passe en ville, puis tout. Pis, mais tout est interconnecté. Ouais. Et puis, mais mettons, sur le deuxième chapitre, il y a 25 fins. Pas 25, excusez. Il y a plein de fins. Pas 25, il y en a beaucoup, puis le troisième aussi. Puis tout est connecté. Et puis, tu trouves plein d'indices dans chacun des chapitres aussi tout au long de l'aventure. Et puis, ces indices-là, comme on voit à l'écran, sont des lettres que tu lis. Ça te donne... Ça t'explique un peu le storyline. Mais okay. C'est tout segmenté en plein de morceaux. Okay. Puis, tu fais tes connexions toi-même en voyant ça. C'est quand même compliqué. Puis, je peux pas dire que j'ai tout catché non plus. OK. Fait que c'est ça. Puis, au niveau du gameplay, tu fais juste avancer. Puis, tu as un piton. Puis, le bouton, il sert à brandir une croix. Quand tu prends d'un coup, il y a une affaire qui fonce sur toi, tu sais, t'es comme là, tu brandis ta croix, puis là, il s'en va. Ou tu vois une affaire louche, tu brandis ta croix, puis là, la patente, elle clignote jaune, puis là, il y a un genre d'esprit qui s'envole, puis là, ça devient un indice. Alors, il faut que tu trouves les indices aussi. Okay. Puis il y a un nombre d'indices à trouver par chapitre, comme on le voit là. Tu vois, il vient de faire apparaître un indice. Là, tu lis ça, tu sais. Et puis, c'est ça que tu fais, tu chemines doucement en explorant. Un point négatif que je vais dire, là, c'est que le personnage marche quand même pas mal lentement. C'est assez lent, ouais. Puis des fois, ça, tu te dis, crime, faut que j'explore un peu, puis ça vient lassant marcher à cette vitesse-là. Mais je comprends ce qu'ils ont voulu faire. T'sais. Ils veulent pas que ça aille vite non plus. Il faut que, tu sais... Puis tu le vis, la musique, il n'y a pas de musique là-dedans. C'est des sons ambiants. Puis tu sais, Chris, un moment donné, t'es comme juste, « Hey, cette vieille église dans le bois! » Là, tu rentres là-dedans, puis là, tu descends dans le sous-sol, puis là, je te jure, man, c'est une affaire... qui a de l'air du Commodore, comme ça. Là, comme, vous voyez ça à l'écran? Oh, ouais. Là, c'est ce jeu-là m'a fait crissement peur. c'est l'ambiance qu'ils réussissent à faire avec ça. Là. Avec si peu de graphistes, t'as faire peur à ce level-là. Ouais. Puis il y a des jumpscares. Puis il n'y a pas juste ça aussi. Des fois, t'es comme je disais, là, tu descends dans le sol de l'église, tout est noir, t'es comme... Oh, je sais pas si j'ai la force à soir d'être ici. Là, tu sais, ça va... Il va se passer des affaires. Besoin de travail. Non, c'est pas relaxant, tu sais. Puis là, d'un coup, il y a comme juste une affaire qui apparaît. Puis là, c'est une animation d'une affaire démoniaque. Qui... Puis tu sais, man, c'est fucking... C'est fucké, man. Mais c'est incroyable comment c'est bien fait, tu sais. Puis c'est ça. J'ai vraiment de la misère à le décrire, les gens qui... Si vous écoutez en audio... Ça, ce segment-là, regarde, faut pas que tu bouges, puis cette petite affaire-là, elle s'en vient sur toi. Puis là, t'es comme, oh my God, qu'est-ce qu'elle va me faire, tu sais? Puis là, elle s'en va. Puis bref, c'est ça. Puis là, t'écoutes, t'es dans le sous-sol de la maison de Amy, t'es en ville dans un appartement, t'es dans le bois dans une église, là, t'es comme dans une espèce d'égout d'itinérant. Tu vas te ramasser dans un hôpital psychiatrique. Comme c'est fucké, on t'amène à plein de places. Tu vois, il est derrière les bouches de l'égout, là, c'est intéressant. Ouais. Exact. Puis, il y a des personnages, là, le gourou, là, il s'appelle Gary, tu sais. Puis, tu le rencontres à un moment donné à la fin du troisième chapitre, tu sais. Puis, aussi, il y a du voice-over là-dedans. Des fois, tu parles, tu dis quelque chose. Puis, ils ont tout passé ça dans un filtre électronique, là. Ça dit Oh non, I'm not going there. Ah. Et tu sais, c'est tout électronique fucké. Puis les sons, des fois, il y en a affaire qui font sur toi, ça fait. Mais ouais. Tu sais, électronique grinçant, là, tu sais. C'est du fucking génie, man. Génie, là, comment est-ce qu'ils ont réussi à faire de quoi de troublant avec ce jeu-là. C'est incroyable, là, tu sais. Puis, Steph Talbot dans le chat qui dit apparemment un film tiré de ce jeu sera en préparation. Ben, ça serait vraiment excellent. Puis ça, c'est pas un jeu. Ben, il y a des segments d'action où est-ce qu'il y a des boss, puis là, des affaires qui te foncent dessus, puis tu brandis ta croix, là, tu sais. Puis il y a des segments de ça, mais c'est beaucoup du puzzle, là, si je peux dire. Puis quelques fois, j'ai dû aller voir parce que c'était pas clair, là, tu sais. Puis en effet, il y a des fois une fois ou deux que c'est comme tu aurais pu me donner un meilleur indice, mettons. Mais tout est là quand même, puis c'est pas si puzzly que ça. Puis il y a plein de fins différentes. Puis dans le trailer de tantôt, il y a des animations que j'ai pas vues moi-même. OK. Puis tu connectes les affaires. Puis il y a des métaphores aussi. Toutes les fins sont des métaphores. Ah ouais. Puis moi, j'étais allé sur ChatGPT, puis j'ai dit explique-moi, genre, toutes les fins du premier chapitre. Ouais. Il dit ben, premièrement, mettons, il y a une fin fuckée où est-ce que. En sortant de la maison de Amy qui s'est sauvée dans le bois, whatever, tu trouves un gun à terre. Fait que tu pognes le gun, tu sors avec. Puis là, à un moment donné, tu vois un chevreuil. Je dis, bon, je vais tirer le chevreuil. Je tire le chevreuil, puis je m'en vais, puis le chapitre est fini de même. Mais là, pendant que j'étais en char, il y a un autre chevreuil qui apparaît devant le char. J'y fonce dedans, puis là, je meurs. Puis après ça, on voit une espèce de rituel où est-ce qu'il y a un paquet de chevreuils autour de moi, puis moi, je suis comme une flaque bizarre. Puis là, il me punche, puis il me tue, tu sais. Fait que là, ChatGPT dit « Ceci représente le fait que John fuit à l'intérieur, et que la nature sera toujours plus forte que tout, tu sais. » Alors, ces trois chapitres-là ne sont, à travers toutes ces foleries-là que tu vis, ne sont qu'un résumé de du délire de John, tu sais. C'est, écoute, man, c'est fucking deep, là. Fait que... c'est ça, c'est incroyable, cette affaire-là. J'ai vécu quelque chose... Puis il y a longtemps qu'un jeu vidéo m'avait pas fait vivre de quoi, là, tu sais. Surtout avec ce style-là, puis le son, moi, je me souviens, le son, il donne mal au ventre par bout, là. Le style est dérangeant un peu. Là. Oui. C'est ça qui rend fucky, ouais. L'impression de jouer à quelque chose que t'es pas supposé jouer, en fait. Non, exact. Écoute, c'est ça, j'ai de la misère à en dire plus que ça, mais pour moi, ça, c'est un chef-d'œuvre. C'est une expérience unique, c'est vraiment, vraiment bien fait. Puis c'est une expérience, comme lire un livre, là, tu sais. Fait que attendez-vous pas à du gros gameplay, là, c'est un piton. Ouais. Fait que voilà. Alors, pour toutes ces raisons, je vais quand même donner un gros 4.5 à ce jeu-là pour tout ce que j'ai vécu, l'originalité de la chose. Ben là, c'est fort. Puis je dois avouer qu'à un moment donné, j'étais comme un peu tanné, je l'ai mis de côté. Puis là, je suis retombé dedans. Puis là, je suis comme, oh my god, il faut que je finisse ça. Puis l'histoire te prend. Tu sais. Mais c'est temps de gameplay à peu près là-dedans. Très, très bonne question. Les trois chapitres ensemble, j'ai certainement mis 8 heures. D'accord. Puis tu sais, j'ai manqué plein d'affaires. Là, parce que, ah oui. Mais c'est ça que j'aurais aimé. Par contre, un coup que tu finis le jeu, il y a un mode turbo que tu vois, mais qui n'est pas sélectionnable. Puis j'aurais aimé ça. Puis tu peux juste l'avoir quand tu as trouvé tous les indices. Okay. Mais tu sais, trouver les indices à marcher doucement, c'est plate, tu sais. Puis un coup que tu réussis tout ça, t'as plus besoin d'aller turbo. T'as déjà marché fucking lentement pour faire la job que tu voudrais faire en turbo. C'est juste pour te torturer, ça. Comme, je finis un chapitre, donne-moi tout de suite le turbo, puis m'en faire tout le reste. Exact. Puis ils te donnent même pas d'indices non plus sur... Ben, ils disent fin 1, mettons. Okay. Ils disent pas sur 5, sur 4. Ouais. Il y a pas d'élément graphique qui te dit non plus, genre, tu coches pas des affaires, tu sais. Fait que t'as pas la sensation de réussir à checklist. Tu checklistes pas, tu sais pas jamais exactement si t'as tout fait ça. Ou pas fait. Fait que ça, c'est le point 5 que j'enlève. Là. J'aurais aimé au moins que ça soit pas clair de progression, ce que je réussis à progresser. Puis donne-moi un peu de vitesse pour que j'aille le goût de refaire toutes les autres affaires parce que là, j'ai plus le goût. Ouais, mais peut-être que dans 2 ans, je vais me dire, je vais rebooter ça, mais je vais revivre cette affaire-là. Fait qu'il y a une rejouabilité quand même. Là. C'était cœur, hein? Malade. C'était cœur, hein? OK. All right. Fait qu'on serait rendu aux questions du public. Ooh. Voulez-vous tuer un autre breuvage? Jeff, il s'est déjà servi un saf. Ouais. Les saf. Bruno, tu veux-tu un autre breuvage? Oui, certainement. Il reste une rousse puis un autre IPA. Ah ben, je vais te prendre, je vais te prendre une IPA. Parfait, ça. Fait qu'on va commencer avec... La rousse, t'en as parlé tantôt, c'est vrai. Ouais, je vais nous servir ça. Ah oui. Donc, on va aller sur Instagram en premier. Instagram. Avec, il y en a quand même beaucoup. Je sais pas si on va réussir, gang, à faire absolument les questions, parce qu'il est 9h30. On finira pas 11h non plus. Il y avait beaucoup de « Yeah, Bruno est là! » Ça va aller vite, ces questions-là. Et puis, on va commencer avec Olivier Hugo qui dit « Sa rétrospective 2025 et les jeux dans sa mire pour 2026. » Oh. Là, Bruno, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent savoir à quoi tu joues. Ouais. Puis, déjà, Mav-Antoine, après, il dit « Est-ce que Bruno pourrait faire un rapide top 3 des jeux qu'il a fait depuis le podcast? » Fait, j'ai comme l'impression que les gens ils veulent savoir à quoi tu as joué et qu'est-ce que tu as aimé depuis la fin de Rétro Nouveau. Là. Oui. Puis qu'est-ce que tu attends cette année? Je me suis comme fait une liste parce que je savais que j'oublierais des affaires. De tous les jeux que j'ai joués depuis que j'ai fini Rétro Nouveau, le jeu que j'ai le plus aimé, ça va être comme un weird choice, c'est Fantasy Life High. Ah, qui est, ouais, Fantasy Life High, qui était en fait, c'était un jeu qu'il y avait sur 3DS à la base. C'est drôle parce que j'ai parlé de ça à Rétro Nouveau. Ah, je sais c'est quoi. Way back. Ouais. Puis là, Fantasy Life High, en fait, c'est celui qui est sorti... qui est sorti sur toutes les consoles en 2025. Ouais, c'est en 2025, puis il est sorti une version Switch 2 aussi. Fait que ce que c'est Fantasy Life, en fait, c'est que tu as 12 métiers, 12 jobs que tu peux avoir, puis tu fais des tâches qui ont rapport à ces jobs-là. Puis sinon, c'est un genre de... C'est comme un action RPG aussi en même temps, parce qu'il y a du combat et des choses à découvrir, il y a du crafting... Il y a plein de choses à faire dans ce jeu-là. Fait que c'est vraiment... c'est ça. C'est un jeu où tu coches des cases. On ne serait pas attendu à ça. On ne serait pas attendu à ça. Mais comme je disais à Dom avant le show, je me suis vraiment... je me suis découvert une véritable petite passion pour des jeux un peu plus farming. D'ailleurs, présentement, je joue à Pokémon Pocopia et je suis extrêmement addict. C'est super bon. Je trouve pas que c'est comme Animal Crossing, vraiment pas. Je trouve que c'est vraiment c'est un autre niveau, puis c'est Dragon vraiment Quest le fun. Dragon Quest Builder, comme tu disais. Ouais, comme Dragon Quest Builders que j'avais vraiment beaucoup aimé dans le temps de Rétro Nouveau encore. Puis j'avais trouvé ça vraiment le fun, puis bref, je trouve ça encore très le fun. Sinon, j'ai énormément aimé évidemment Astro Bot est sorti depuis le temps. Je l'ai dévoré, puis en plus de ça, il y a eu tellement, tu sais, il y avait tellement de contenu dans Astro Bot, ça a été cool. Il y a pas un excellent rapport entre le VR puis le non VR. Ouais. J'avais peur qu'ils perdent un peu de la magie d'Astro Bot, puis finalement ça a resté un platformer grandiose là. Ah ouais. C'est vraiment très bon là. Non, moi avec, j'étais pas sûr qu'ils réussiraient à faire la même chose, puis je trouve qu'ils ont dépassé ça dans un sens avec tous les hommages qui se retrouvent dans le jeu. C'est excellent. C'est tellement cool ce qu'ils ont fait là. C'est vraiment le fun. En fait, moi j'ai trouvé que c'était un meilleur Mario 3D que les Mario. C'est vrai. Tu sais, puis au final, tu sais, comme fuck, c'est le compétiteur direct à des Mario 3D. C'est fou, puis je pense qu'on est allé peut-être une coche plus loin. Là. Ah oui. Puis le bonhomme se contrôle tellement bien, c'est pas compliqué, mais c'est tellement deep en même temps. C'est vraiment, vraiment hot. Là. Ça a été vraiment mon meilleur jeu. En fait, c'est mon meilleur jeu de PS5 depuis très longtemps. Je pense que depuis que j'ai une PS5, c'est pas mal mon meilleur jeu de PS5. J'ai trouvé vraiment hot. Aussi sur PS5, un autre jeu que j'ai beaucoup aimé, c'était Stellar Blade. Ouais. Un jeu que j'avais vraiment... C'est drôle parce que je l'avais acheté à sa sortie. Puis, je l'avais un peu... Je l'avais commencé. J'avais fait comme un peu le premier niveau, le niveau de la démo, en fait. Puis, le premier niveau, tu commences le jeu, puis tu sais, c'est vraiment le fun, puis c'est flashy, puis il y a plein de trucs. Ça fait un peu Devil May Cry. Puis là, après ça, ben il te ramène dans une espèce de ville grise, toute maganée. Puis là, j'étais comme... here we go again. Fait que... Je pensais pas aimer ça, puis aussi je trouvais ça plate que l'héroïne finalement est pratiquement nue tout le temps. Fait que j'étais comme c'est un peu whatever, tu sais, j'étais pas sûr. Mais finalement j'ai continué, puis le jeu est absolument exceptionnel. C'est vraiment un super bon jeu. Puis c'est ça, si vous aimez les jeux comme Bayonetta, Devil May Cry, c'est direct dans la même lignée, sauf à mon humble avis, avec une meilleure progression puis une meilleure définition des objectifs. Fait que ça, je trouve ça bien le fun. J'ai joué à Echoes of Wisdom, comme beaucoup de monde, le ouais. Zelda, Zelda. Ouais, ouais. Et puis, j'ai vraiment aimé ça, sauf que à la fin, j'étais vraiment tanné d'avoir à scroller l'inventaire comme un malade de gauche à droite. Ouais, mec, je me suis tanné de ça. Je ne rejouerai jamais à ça. Oui. Ouais. Il y a ben trop de gréments, là. Fuck off. Là. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est ça que je trouve flat, c'est que c'est un jeu que j'ai trouvé super bon quand j'y ai joué. Mais une fois que je l'ai fini, j'ai fait... Je veux plus jamais rejouer à ça de ma vie. Exact, moi non plus. J'en fais-en pas un deuxième, je suis pas là. Ça arrivera pas, à moins que vous régliez cette affaire de roue-là. Mais je pense que le côté Zelda, vraiment, je me rends compte que le côté genre, on peut inventer des affaires puis réussir des énigmes comme on veut. Moi, c'est fini pour moi. On n'a jamais demandé là, ça. Ça me tente plus. Donnez-nous le donjon, on veut rien d'autre que ça. Oui, exact. Exact. Donnez-nous le grappin et le boomerang. Qu'est-ce qu'il y avait de mauvais avec ça? C'était cool. Tu sais, je suis en train de faire, présentement, je suis en train de faire, voyons, Colin, Minish Cap. Ouais. Tu sais, je suis en train de le refaire parce qu'il est disponible sur Nintendo Online. Fait que je suis comme, des fois, je me pars puis t'es un ambassadeur 3DS, alors... Exact! Mais, tu sais, il était vraiment le fun. Puis justement, la simplicité de ces Zelda-là, puis à quel point... Ouais. Tu sais, c'était comme... C'est tellement parfait, comme... Pas besoin de... Tu sais, comme... Puis je l'ai fait, Tears of the Kingdom, je suis revenu dedans, puis je l'ai fait. Puis c'est vrai que c'est un super bon jeu, puis que c'est supérieur à Breath of the Wild, mais... J'aime beaucoup mieux les Zelda classiques. Là. C'est un peu comme toi et les Castlevania. Là. C'est... Ben, Castlevania, ben... je suis comme ça aussi un peu. Là. Moi, je suis resté accroché bien raide au troisième. Là. C'est comme mon top. Puis toutes les fois que j'ai essayé de faire les autres, puis même les nouveaux, justement Symphony of the Night, Rondo of Blood, ces Castlevania-là, j'ai toujours eu de la misère à cause que j'étais accroché. Ouais. Au vieux Castlevania. Mais c'est ça. Sinon, dans les choses qui m'ont vraiment marqué, il y a eu Visions of Mana, qui a été un RPG que j'ai fait, que j'ai beaucoup aimé. Vous m'avez souvent entendu chialer contre les jeux qui sont trop gris. Celui-là est trop saturé. Vous avez juste à chercher une image sur Internet, puis comme de la couleur, t'en veux-tu, en v'là comme ça. Aucun fucking sens. C'est vraiment un jeu qui est très coloré, mais c'est vraiment le fun. Oui, oui. Super bon action RPG dans la série des Mana. Mana, ouais. Mana que je suis pas mal tous en train de faire. Puis j'ai bien du fun, à part pour l'histoire. J'ai toujours trouvé que l'histoire était pourrie. Rien de moins. Rien de moins. Mais moi, les affaires les affaires d'amitié puis tout, là, ça, c'est comme ça me rejoint pas. Là. Ouais. C'est comme ben c'est ça. C'est un peu comme le Kingdom Hearts, un peu ça. Là, on est des amis, puis le pouvoir de l'amitié et tout. Pis, c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. C'est dark. Puis. Tout en chiant quand on ouvre nos téléphones, puis il y a juste du darkness. Il y a trop de couleurs. On arrive de quoi de joli. C'est pas ça. C'est le monde qui meurt. C'est pas ça, Colin. Puis justement, parlant de monde qui meurt. On va ouvrir un autre Doritos. Un autre Doritos. Parlant de monde qui meurt. Fait que Ghost of Yote aussi que j'ai joué, que vraiment beaucoup aimé, qui était la suite de Ghost of Tsushima. Malheureusement, par contre, quand tu joues à Ghost of Yote, malgré le fait qu'il fasse tout en beaucoup mieux, j'ai fini par décrocher. On dirait que le novelty de Ghost of Tsushima était plus là, puis j'ai fini par passer à autre chose. Mais je vais y revenir quand même parce que c'est un super bon jeu, puis c'est un gros jeu. Puis aussi Silent Hill F. Qui est comme le jeu d'horreur que j'ai le plus aimé des dernières années. Par contre, j'ai toujours pas joué à Resident Evil Requiem, fait que je peux pas rien dire là-dessus. Mais Silent Hill F, j'ai vraiment, vraiment adoré. Ils ont comme un peu changé la formule de Silent Hill en gardant quand même l'essence de Silent Hill. Très bon, histoire absolument excellente. Très, très, très, très creepy. C'est vraiment bon. Puis après ça, ce qui est arrivé, c'est que la Switch 2 est arrivée. Puis quand que la Switch 2 est arrivée, de plus en plus, j'ai délaissé ma PlayStation. Mm-hmm. parce que j'aime trop cette console-là, elle est trop merveilleuse. Fait que j'ai fini par juste tout le temps être là-dessus. Un des jeux qui m'a marqué, qui est disponible sur n'importe quelle autre console, c'est Absolum. Ouais. Christique, c'est moi, bon. C'est quoi? C'est un beat'em up rogue? C'est un beat'em up rogue, mais dans lequel tu as quand même une progression. Fait que quand tu recommences une run, tu gardes toutes les affaires que tu avais, puis tu recommences au début, puis tu fais un chemin qui est différent, puis tu as tout le temps des objectifs. Ouais. Ce qui est d'après moi la meilleure façon de faire un rogue, je déteste quand il faut que tu recommences, puis que c'est juste tu recommences, plus. T'as pas de progression. Il laisse tout le temps un peu d'affaires, ouais. Là, mais je trouve souvent que c'est pas assez généreux pour me garder accroché. Exactement. Moi, j'ai le même problème que toi là-dessus. Fait que lui, il t'en donne en masse, puis il te donne tout le temps un incitatif à faire comme un autre run, je vais essayer ce patte-là, puis je vais aller ailleurs, puis tu débordes des personnages, tu débordes des amis. T'as un co-op là-dedans qui est vraiment solide. Puis le beat'em up comme tel, c'est un des beat'em up les plus satisfaisants j'ai joué. T'as le fameux tribute, ils l'ont super bien ça justement, que quand tu punches, tu sens l'impact parce que comme un léger arrêt en fait. C'est malade. Vraiment super bon jeu. Après ça, Donkey Kong Bonanza, évidemment. T'as joué, GF? Non. J'ai pas de Switch 2. Ah ben non, t'as pas de Switch 2. Je peux pas. Caroline. Ça en vient. T'as une télévision plus. Sprint. Ouais, j'ai tout ce qui est vieux, mais j'ai rien de nouveau là récemment. Mais Donkey Kong Bonanza, ça vaut vraiment la peine, honnêtement, d'avoir une Switch 2 pour l'avoir. Je l'ai trouvé super le fun. C'est vraiment excellent. Moi, je l'ai fait du début à la fin. Je l'ai pas fait à 100% encore, mais j'ai vraiment aimé ça. La seule affaire qui m'a tapé ses nerfs, c'est justement Colin, j'oublie son nom. Pauline. J'allais dire. Ouais, Pauline. Pauline qui chante un moment donné, t'es juste t'es plus capable. Mais le jeu est super bon. Puis pour le monde qui aime Mario Odyssey, en fait, tu te retrouves comme à même place, mais mieux. Okay. Parce que le côté destruction est hyper addictif. Ils sont vraiment allés loin avec ça. Puis une affaire qui est le fun de Bonanza, c'est que les mécaniques de jeu changent au fur et à mesure que le jeu avance. Fait que t'as tout le temps quelque chose de nouveau. Okay. Des affaires super simples, mais très, très, très, très clever. Comme justement des blocs qui interagissent quand tu frappes sur l'un à droite, ça devient d'autres choses. Des affaires comme ça. Fait que très, très, très, très, très, très bon. Combien de temps ça prend à finir ce jeu-là? Bonanza, moi, je dirais... 5, 6 heures, 10, 20? Entre 25 et 30. Oh, ben, OK, bon, je le ferai pas. ben, tu sais, moi, je te dis ça, j'ai vraiment poussé l'affaire. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je sais pas, quelqu'un qui... Mais tant mieux que c'est long, là, mais je me dis toujours, si jamais c'est un... Ben, tu veux, garde 15-20 heures. 15-20 heures, main story, 30 à 60 heures, si tu veux avoir les collectibles, plus de 100%. C'est généreux. Oui, il y a du stock en table. Il y a vraiment plein d'affaires à découvrir. Fait que... Mais tu sais, je te dirais que... Il n'y en a pas de jeu de même, en fait. Le dernier que j'ai joué qui ressemblait à ça, c'était Donkey Kong Ultimate Destruction. Pas Donkey Kong, voyons, Hulk Ultimate Destruction. OK. Où tu pouvais vraiment tout fesser puis tout détruire tout le temps. Je trouvais ça tellement le fun. Ouais. Il y avait ça, puis Prototype, je pense, qui était le vieux jeu où tu pouvais faire ça. On fait vieux en tabarnouche parce que c'est pas jeune. Sinon, j'ai joué à Mario Kart World. Comme bien du monde, j'ai été quand même déçu de Mario Kart World à cause de la façon que les courses étaient faites. J'ai trouvé ça rough quand même parce que au début c'est un beau novelty, mais rapidement tu perds le côté iconique et nostalgique de Mario Kart qui fait que c'est la piste de la DS, puis t'as des affaires auxquelles t'es vraiment attaché. La soundtrack est absolument malade, c'est la meilleure soundtrack au monde. Mais sinon, t'sais, les pistes, je suis comme il manque quelque chose, mais sinon c'est quand même vraiment le fun. Online, c'est vraiment le fun. Je joue plus online à Mario Kart World que je jouais online avant, fait que ça c'est vraiment cool. À 24, c'est malade. Mais j'ai plus accroché sur le Sonic Cross Worlds, Sonic Racing Cross Worlds, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment solide. Super le fun. L'affaire, ce qui est plate, c'est que le meilleur jeu côté fun, à mon avis, côté contenu, c'est Sonic. Mais Sonic, il y a pas autant de choses qui sont iconiques de Mario. Ouais. Fait que, tu sais, Mario, t'as comme tout le côté nostalgique, puis il y a tellement de personnages, le fun là-dedans, que, tu sais, t'as une attache. Tu sais, Sonic, tu sais... À part les anneaux et puis les... Puis Tails. Exact. Pour vrai, là, il y a bien des personnages de Sonic dont tu te calisses, tu sais, comme... J'étais un gros fan de Sonic, puis moi, j'aime 4 personnages dans Sonic, là. J'suis ouais, pas, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que bref, je trouve ça correct. Sea of Stars, que je suis en train de faire, que j'ai pas terminé encore. Je joue à la version québécoise, évidemment. C'est absolument merveilleux. C'est là, incroyable. C'est tellement un bon RPG. C'est vraiment, vraiment, vraiment, vraiment solide. J'espère qu'il n'y aura pas... parce que ils ont sorti, ça a fait du bruit. Puis là, c'est comme si c'est en train de redescendre un peu, mais tu sais... Si on a des auditeurs qui justement, présentement, écoutent ce podcast, pour vrai, aller acheter ça, mettez ça en québécois. Ouais. Christy, c'est drôle, là. Ah ouais, c'est drôle. Les textes sont incroyables. Puis c'est pas seulement drôle, le gameplay est vraiment, vraiment le fun. C'est vraiment une belle façon de faire du... C'est sur l'amitié, c'est Upstar. Oui, mais c'est mieux parce que c'est en québécois. Mais non, mais c'est plus drôle. Ok, j'ai cherché. C'est malade. Tu te les joues sur l'MT. On veut jouer pas à ça. Gosse. C'est ça. Puis sinon, mis à part ça, j'en ai-tu oublié un? Ben, il y en a. C'est ça, je vais parler d'un dernier. Puis ça serait ça. Sinon, écoute, ça serait bien trop long. Mais le dernier Shinobi qui est sorti, on en a parlé un peu avant le show. J'y ai-tu donné 5 pommes, me semble? Me semble que oui, non? Ouais, hein? Ah ouais. Non, moi, j'ai capoté. C'est incroyable, ce jeu-là. C'est tellement bon. Moi, c'est ça, j'avais peur que ça... Tu sais, Ninja Gaiden, Rage Band est sorti à peu près dans les mêmes temps. Puis j'étais comme, ah, mais me semble, tu sais, ça donne l'impression que je vais jouer au même jeu. Ouais. En tout. C'est tellement... C'est une méga coche au-dessus, là. Ninja Gaiden, en fait, j'ai trouvé que, tu sais, tu le fais. C'est super le fun au moment où tu le fais, mais tu l'oublies quand même assez rapidement. Ouais. Shinobi, il y a plein de moments iconiques, là, c'est... Il y a tellement de soins qui a été mis dans ce jeu-là. Absolument. C'est phénoménal. J'avais peur, moi, de la complexité, tu sais, quand je n'entendais parler avant de jouer. Ah ouais, là, tu unlocks des ici, tu fais des combinaisons. Ben, aussi, tu reviens, checker des affaires. Mais c'est linéaire, mais tu reviens. Mais aussi, tu développes. Là, j'ai comme, c'est beaucoup, hein. Moi, je veux juste tuer du monde. Mais finalement, c'est juste un Metroidvania. Alors, c'est moi, c'est sûr que c'est venu me chercher carrément, exact. Là, tu sais. Puis c'est vraiment pas si compliqué que ça, là. Non. Puis les combinaisons d'attaques, puis tout, c'est tes apprends, puis tes utilises. Ouais. Puis non, ça se fait quand même très bien, je trouve, là. Ouais. Mm. Ouais, puis il se contrôle tellement bien, ah, là. Ouais, ouais. Hey, moi, les affaires, quand justement, quand t'as tes Q, puis tu peux toutes les slasher, là. La satisfaction, là, de ça, là. C'est malade. C'est les mêmes gens que Streets of Rage 4 et puis Monster Boy Dragon's Trap. Ouais. Celui-là, fait que tu reconnais le artwork, là, tu sais, mais c'est toute la qualité, ce qu'ils font, là, ces gens-là, c'est incroyable. Ouais, c'est phénoménal, là. C'est vraiment bon, fait que, ouais, vraiment, ça a été pas mal ça que j'ai joué depuis Retro Nouveau, mais il y a d'autres affaires, mais écoute, ça finirait plus. J'ai continué à jouer pas mal. Ben, écoute, on continue. Là, bon, Marc-Antoine qui dit faire un top 3 des jeux depuis. Tu viens d'en faire tout qu'un top. Un méga top. Question surtout pour Monsieur Cassette. Que penses-tu du démo de Castlevania sur Sega Master System sorti il y a 2-3 semaines? Parce que je suis allé lire un petit peu les questions d'avance, puis je savais pas que ça existait. Fait que je suis allé voir ça, puis il y a des gens qui ont travaillé très fort à refaire Castlevania 1 au Sega Master System. Jeu n'est pas encore complété. Mais de ce qu'on voit dans la présentation, c'est wow, c'est vraiment. Okay. Tu sais, quand tu penses Master System, tu vois juste des fonds bleus, puis des grosses couleurs d'aplats, puis tout. Mais là, man, ils poussent ça ailleurs, là, tu sais, puis ils exploitent le plein potentiel de la machine. Okay. Puis après ça, ils twistent ça dans un il y a un autre. Il y a non seulement ça, mais ils reprennent le Castlevania qui est sur l'ordi japonais, là, j'ai oublié le nom. Qui est en fait Castlevania Chronicles au PlayStation 1. Ah, fait qu'ils refont aussi ça, je pense, dans le même jeu, mais avec du graphisme tweaké. Okay. Et je te jure, c'est du level du 16 bits. Oh, ça compétitionne visuellement le 16 bits. C'est incroyable. Alors, puis la musique est là, puis tout. Donc, c'est Glovas, en fait, qui me posait la question, qui est dans le chat, d'ailleurs. Je ne sais pas s'il est encore là. Mais c'est ça. Non, merci de m'avoir ouvert les yeux là-dessus. Ça va être un homebrew, je sais pas disponible comment, sur les pockets de tout le monde. J'imagine qu'on jouer au WEG. On va jouer au WEG, ce Castlevania-là, on va faire ça. Pocket. Ça va être fourette. Doyon, Patrick Doyon, donc sur Instagram, qui dit « Est-ce que Bruno joue encore sur sa Playdate où la console est rangée au même endroit que la PSP Go? S'il joue encore, a-t-il des suggestions de jeux à proposer? » Oh là là, la Playdate. J'avoue que j'ai eu de la misère à jouer à Playdate plus ça avançait. Ah ouais, hein? À cause du fameux écran qu'il faut absolument avoir de la lumière tout le temps. C'est une erreur, ça, pour vrai, là. Avec le recul, c'est vraiment une erreur. Parce que ça te limite beaucoup sur quand tu peux jouer. Là. Ouais. Des fois, t'es juste, il y a de la lumière, mais t'es dans un pas bon angle de lumière, puis tu peux juste pas jouer parce que tu vois mal. Là. Exact. Donc ça, c'est plate un peu. Là, mais... Ce que je trouve bête, c'est que... Puis mais j'adore pareil. À toutes les fois que j'arrive sur un des forums de Playdate, c'est tout le temps pour poser la même question à Panic. C'est comme, quand est-ce que vous allez sortir un cossin pour qu'il y ait une lumière officielle de la Playdate? Parce que aucun problème avec le fait que l'écran n'est pas rétro-éclairé, pas de problème. Si on veut refaire l'expérience Game Boy qu'on avait quand on était kid, on avait quand même une fucking lampe. Il y a plein de monde qui s'en sont 3D printés, des lampes pour faire ça justement. Ben moi, tu sais, c'est ça. Je joue avec une espèce de lampe que je peux clipper. Puis à toutes les fois que je fais ça, je fais comme... Ah! Tu sais, puis même là, je trouve qu'ils ont un peu... pas abandonner le combat, mais un peu, tu sais, c'est comme l'espèce de serpent qui mord sa queue, tu sais, Ratcheteer, qui était un des grands jeux de la Playdate, est sorti en version couleur sur la Switch. OK. Fait que, tu sais, c'est comme là, tu fais, ben, ça s'appelle Ratcheteer DX. Fait que, tu sais, je suis comme, ouais. Tu sais, puis comme de fait, sur la Switch, ben, il joue très bien. Tu peux jouer à toute heure de la journée sans jamais perdre aucun détail. Fait que ça, tu sais, je trouve ça dommage, tu sais, ce côté-là, c'est plate que ça fasse ça, parce que il y a vraiment des bons jeux sur la saison 2? Là. J'ai jamais acheté la saison 2. Ah, moi, je l'ai acheté, par exemple. Okay. Je me suis dit qu'à un moment donné, en fait, je fais ça à tous les étés. Tous les étés, la Playdate, je joue pas tout le restant de l'année, mais l'été, j'adore ça, amener la Playdate dehors. C'est une console parfaite pour jouer dehors, là, quand il fait beau, la Playdate, tu vois tellement génial. Bien quand il faut éclairer. C'est la seule console, parce que toutes les autres, c'est l'inverse. Ouais. Des fois, j'aime ça jouer sur ma Switch sur le balcon, mais je vois rien. On voit absolument rien. Moi, des fois, genre, l'été, là, genre 2h après-midi dans le gazebo avec une petite bière, là, Playdate. Ouais, la Playdate est fantastique pour ça, fait que... Non, moi, j'ai joué... Mon meilleur jeu de Playdate, ça reste Under the Castle. Nice. C'est vraiment mon jeu préféré que j'ai eu. Puis sinon, il y avait un jeu de... j'avoue que le jeu du carousel d'adresse ou je sais pas trop quoi, le Rolodex chien, j'ai tellement aimé ce jeu-là, puis j'ai joué vraiment beaucoup... L'affaire qu'ils ont donné ce jeu-là, en fait, le truc où tu voles des cadres, je le trouvais vraiment génial. Mais tu sais, c'est ça, il y a une couple de très, très bons jeux de Playdate, mais... Ouais, c'est un peu tough. T'as manqué de Dick Dick Dino, t'as manqué le petit poste de TV weird d'extraterrestre. Ouais, ça, je l'ai tellement vu passer. C'est tellement souvent, drôle, Pico, mais Pico. Ouais. C'est-tu quoi, Pico Pico? Ouais, Pido, je me rappelle ou plus, quelque là, chose du genre. J'ai vu. Mais ouais, Dick Dick Dino, c'est celui que je veux, là. Il est le fun au bout, là. Je suis sûr qu'il est bon, mais c'est ça, je me suis dit, tu sais, c'est correct, je vais attendre, puis cet été, je vais acheter une tonne d'affaires d'une shot, je vais avoir du fun avec la Playdate. Elle est pas morte, elle est encore là, elle est tout le temps rechargée. Tu y penses des fois. Je check les affaires, je joue une fois de temps en temps, mais rarement l'hiver. Ouais. Mais cet été, c'est sûr, je vais ressortir. Oh, Chris. Excellent. Okay. Fréchette, Antonin, des Fréchette Bros. Mm-hmm. Je recommence à collectionner et à terminer les gros jeux de la NES. Et j'ai vraiment du fun. D'ailleurs, il vient de s'acheter un Power Blade complet en boîte. Oh. J'aimerais acheter les boîtes pour compléter mes copies, mais j'ai un peu la chienne parce que le marché semble moins actif et que le CIB ont l'air de moins se vendre. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Par exemple, j'ai une copie de Snow Bros qui attend de se faire boxer mais j'hésite. C'est une bonne question, puis moi je le vois ici en tant que commerçant. Le carton de chair, le monde, il l'achète moins qu'avant. Et puis, est-ce que, tu sais, il fut une époque où est-ce que les jeux en boîte, tu sais, tout le monde capotait là-dessus, mais là, on dirait que tout est trop cher, fait que là, tu sais, tu me proposerais d'acheter un full set Super NES en boîte, jamais que j'achèterais ça ici, là. Jamais, jamais, jamais, là, ça peine trop. Là. Pour la boutique, tu parles? Ouais, okay. Trop durable, ben, personnellement aussi, là. Oui, là. Mais ça serait invendable, vendre, là, ça prendrait, man, là, des années d'écouler ça, là, tu sais. Alors que Loose, of course, là, ça va partir tout de suite. Fait que, tu sais, un jeu en boîte à 500$, ça part pas aussi vite qu'avant, mettons. Ben, même avant, c'est parce que ce jeu-là, il aurait été 2,50, tu sais, 3. Mais là, tout est trop cher. Alors, je trouve que le marché est en train d'un petit peu se recorriger. C'est ce qu'on fait ici chez RetroMTL aussi. C'est quand on price des jeux en boîte, du carton qui vaut cher, tu sais, on check les prix un peu, mais on s'arrange pour qu'avec les taxes, tu sais, ça arrive quand même sur ou un peu en dessous de price charting. Ouais. Parce que les collectionneurs check ça, fait qu'ils se disent à tout le moins si je l'achète, c'est au prix du marché, tu sais. Alors, nous autres, bien sûr, il faut l'acheter moins cher aussi, parce qu'on va pas l'acheter à 65-70% parce que les personnes qui nous le vendent disent « Regarde-moi ça, ce beau jeu, super malade, ça vaut 1000$, tu vas me l'acheter 700$. » Parce que comme non, je devrais te l'acheter 300$ parce qu'il va dormir ses tablettes pendant un an, parce que je vais le mettre à 500$ puis personne ne va l'acheter. Anyway, fait que oui, le carton est en train de... Faites attention. Moi aussi, en tant que gros acheteur de cartons chers, le dernier carton cher que j'ai acheté, je pense, c'était Kit Dracula. Ouais. Et puis j'ai payé genre 2000$. Là. Pour la boîte puis le livret, quelque chose de même. Puis, that's it. Mais là, j'en ai vu passer d'autres, puis je suis comme... parce que j'ai peur que, tu sais, ça tombe. Ouais. Mais est-ce que ça peut vraiment tomber, par contre? Tu sais, il y a une limite. Je me dis, les affaires vieillissent, là. À un moment donné, ça sera vraiment... Ben, ils vieillissent, mais tu sais, mettons... ça prend de la valeur. Hein, ben, ça prend de la valeur, mais l'intérêt est plus là où le monde, ils ont moins d'argent. Ouais. Mais il y a une limite que ça peut descendre aussi. Ouais, c'est ça. Tu sais... T'auras pas zéro, ton quai Dracula là, en bois. Ben non, esti. Si demain matin, je veux le vendre complet à, on va se dire, 2005, puis personne veut me l'acheter, ben si je l'annonce à 500$, pas de garantie que quelqu'un va sauter dessus. Fait que ça va se niveler, parce que l'intérêt est là, mais c'est juste trop cher. Alors, tu fais bien, Antonin, de faire attention. Magasine ton carton avec soin. Fais des bons choix. Surpaye pas présentement, je te dirais, parce qu'on a comme atteint un petit plateau. Puis à mon avis, ça va descendre. Donc, mais du carton pas cher, check Nintendo Labo, qu'on dit dans le chat. Ouais, c'est ça. Ah, il est au recyclage. Tom Fréchette, le frère, dit « Vous m'avez convaincu d'acheter une Atari 2600+. Es-tu capable de me dire 3-4 jeux à acheter absolument sur le site de RetroMTL? Vous avez rentré des beaux jeux obscurs qui ont l'air très bons et très intéressants pour la collection. Merci. » Oh my God. Oh my God, on a rentré tellement. Puis si tu savais, ici, on a des tonnes encore loose, puis on a des CIB. Je sais pas. Faudrait que tu viennes... je vais te dire de venir en magasin, mon ami. Et puis... On va dire Dragster? Dragster, juste parce que on a découvert ça, nous autres. C'est malade, Dragster. Tu fais juste comme... Ça dure... Chaque game dure à peu six près secondes. 6 secondes. Ah, tu fais juste prendre le stick. C'est un shifter. Drrrr-tac. Ah ouais. Tac. C'est cool, fini. Faut pas que tu sautes ton moteur. Faut que tu shiftes au bon moment. Oh, on a cool, capoté ça. Avec ça. C'est un des le premier jeu de David Crane sur Activision, en fait. Fait que... Fait que Tom, prochaine fois que tu viens en magasin, fais-moi descendre, demande à mon staff, puis on va regarder ça ensemble. Ben oui. On va me faire plaisir. Steph Talbot, qui est dans le chat, dit « Ah, Jim Gendron, il a acheté Dragster suite à nos bons commentaires. Hein. » Mais là, c'est ça. T'as bien fait. Il y a bien fait. Le concept est vraiment parce qu'on cool, super hype des jeux qui durent 6 secondes. C'est ça. Des fois, je me sens mal parce que nous autres, on passe pendant 15 minutes là-dessus. Là, le monde achète ça, puis j'ai peur qu'ils sont comme « Tabardac, les gars, c'est de la merde! » 5 minutes j'ai de pas, plaisir. J'ai pas dit que c'était aussi bon là, que faire du moche. Ah oui. C'est juste comme intéressant et un peu addictif. Quand ah, c'est fun. Mais je pense que Jimmy comprend quand même la vibe. Il nous suit depuis longtemps. Steph Talbot qui est dans le chat, qui d'ailleurs, je le rappelle, fait le full set des épisodes live. Hein. Il a dit « Je veux être là à chaque épisode cette année. » Alors, il est 3 en 3. À date, il dit « Salut les boys, quel projet de collection avez-vous déjà entamé que finalement vous avez arrêté soit par manque d'intérêt ou manque de temps? Dans mon cas, j'avais commencé à acheter de Levercade et le manque de temps fait qu'elle ramasse la poussière. » Moi, Levercade, T'en avais acheté une. T'en as une? Oui, oui, j'en ai j'ai une. J'ai tout le temps été tenté, puis tellement j'ai beau, tout le temps me suis retenu, là. Moi, j'aime encore ma Evercade. C'est juste que là, le problème, c'est qu'ils ont sorti d'autres consoles portables avec d'autres jeux, puis ouais, des mini-arcades avec des jeux. Ouais, ouais. C'est... It never ends. Je suis comme, man, vous sortez trop de produits, là. Exact. C'est ça qui m'a fait chier, en fait, parce que je trouvais que c'était vraiment cool, mais... J'aimais pas trop la console, puis là maintenant il y a d'autres consoles, c'est comme fuck. Non, c'est ça. Ça finit pas là, ça finit pas, puis là ben ils ont plein de nouvelles licences là qui arrivent à avoir puis qui arrivent à sortir, fait que mais je trouve que ça a quand même ça a bien évolué parce que je pensais que ça mourrait. Puis finalement, à Crime, ils ont vraiment beaucoup de choses là maintenant. Ouais, ouais. Quelqu'un qui parle de l'Evercade maintenant, je pense que c'est quand même un projet le fun, là. Ben oui, t'as réalisable, plein de libraries, tu sais, ben que oui, tu peux jouer, mais effectivement, il y en a tellement, tu dis, mais c'est donc bien incroyable, ces compilations ouais, d'arcade de Data East, là. Puis là, t'achètes ça, puis là, dis, tu je l'ai, puis là, tu joues là, pas. Tu joues pas avec parce que tu joues à Pocopia, style, ouais, exact, je sais pas quoi, mais tu l'as, mais ouais, tu l'as. Et le but ultime, c'est de pouvoir pas jouer. C'est ça que tu veux atteindre dans la vie. Je placer là. Puis... Ah, je peux pas jouer en ce moment. Tout est magnifique. Mais moi, j'ai abandonné plein de collections. Puis là, je slim down encore. Puis je rapetisse ma Switch. Parce que j'ai plein de jeux Switch. Puis même, j'ai commencé à sortir une couple de jeux de DS. Puis 3DS. Puis je me dis, à un moment donné, il n'y aura plus rien de ça. Anyway, il n'y aura plus rien d'autre que mes trois unités de NES, Super NES, Game Boy en boîte. La Game Force, merci, bonjour. Et mes jeux Switch, parce que je les aime. Ben oui. Puis ça va être ça. Ah oui. Moi, j'ai arrêté le Game Boy Advance à un moment donné. C'est vrai, tu voulais acheter plein de cassettes. Hey, j'en achetais tellement du Game Boy Advance. Puis là, un moment donné, j'étais comme... Ça se place tellement mal. Tu n'avais pas de boîte? Mais là, c'est ça. Là, j'ai encore... c'est ça. Je suis retourné à la boîte que je pige dedans. C'est la meilleure façon. Je me pogne de quoi. Puis j'ai ma Game Boy Micro. Puis je joue avec ça. Puis... Beaucoup de plaisir. Game Boy Micro, hein. C'est que je l'aime, la Game Boy Micro. Beaucoup de crampes aux mains, mais ça vaut la peine. C'est tellement joli. Mm. On s'en va sur Facebook maintenant avec René RTC Tetro. Wow! Non, c'est RTC pour rouler très content. Je manquais d'inspiration. Rotule très... Je sais pas. Rotule, tortue, calice. Bienvenue chez Papa Cassette. C'est un nouveau band. Retule toi, tu connais. Alors, il dit, waouh, non seulement enfin le retour du podcast, je comprends bien les circonstances, mais ça me prenait ma dose de Papa Cassette et Jesus Crumb, j'étais dû. Mais en plus, coup de théâtre avec le retour de Bruno, le temps d'un épisode. Ma question pour Papa Cassette, quel serait le prochain gros step que tu aimerais prendre avec Retro MTL? Est-ce d'ouvrir une autre succursale, un gros coup de publicité ou autre? Le film. Ça serait le film. Film. Ça finit avec une pendaison. Si on compte la mienne, ça serait deux en même temps. Comme... Est-ce que c'est un autre Gears of War? On est trop. Non, ça, j'aimerais bien ouvrir une autre succursale. Je dirais que c'est un projet que je chéris depuis longtemps. Anyway, je sais pas si on va y arriver un jour, mais c'est hey, Dom, ramène les machines. Tu sais, les machines qu'il y avait dehors, là, tu peux louer des DVD là-dedans. Oui, c'est tu peux t'acheter un Duck Hunt Mario. La là, t'as une nouvelle succursale. De louer des... Tu mets ça louer, c'est dans un coin là, à Boucherville. À Boucherville. Ah, ça serait hot. Pogne-les ton kid Nicky. Five screws. Jesus Crumb, quand vas-tu replonger dans le VR? J'adore tes critiques de ces jeux-là, étant donné que je n'ai pas de VR, j'aime bien t'en entendre parler. Ah, juste par manque de temps, là, j'en joue pas, mais faudrait, là, j'en ai deux, trois que je sais que je veux critiquer bientôt. Fait que prochainement, s'il y a de la demande, je vais y aller. Là. Ben, me perdre dans le VR. Bruno, eh bien... Yes. Comme tout le monde, je veux savoir à quoi tu joues, mais juste pour te remettre dans l'ambiance, quels sont tes top jeux des dernières années à toi? Bon, on l'a couvert pas mal. Mais Astro Bot est le meilleur jeu des trois dernières années, à mon avis. Voilà. Simon dans le chat qui dit qu'il collectionne les NHL 94, ça a été rapide à combler. Ouais, il y en a deux. Ah ben, au Sega CD aussi, trois. Faudrait que tu me dises. Le fonctionnaire fédéral. Là. OK. Ouais, c'est Simon Pellerin. Là, de l'armée. Qui nous a donné plein d'affaires. Puis qu'à cette heure, Il était aux éditions très malheureux. Il est allé être malheureux à l'armée. Ben, il est bien payé, mais malheureux. Ben, c'est ce qu'on dit. Il est peut-être très heureux, là. Yannick Beauchemin. Oh, le grand retour de la gang de gars. Je suis en train d'écouter en boucle tous les épisodes de Rétro Nouveau et j'adore. Il est pas blasé. Il est pas du tout blasé, mais riche. Ah, bon, ben bon, voilà. Le meilleur des deux mondes. Ah, bon, ben, donc, c'est parfait. Riche. Pas blasé et riche. Une coupe de jeu très chère à vendre ici. Ouais, Steph, t'as pas dit deux fois, il me semble qu'il sort pas. Il est encore pas là, genre, il sort pas. Il y a quelque chose de weird, je comprends pas. Ah ouais, Steph Talbot, ben, on te voit live, nous autres, dans la fenêtre de Twitch, mais c'est vrai que dans. Le plugin te coupe, on dirait, faut que j'examine ça. Là. C'est bizarre, ça. Aïe, aïe. Check ça. T'es-tu sur un ordinateur récoton ou. Ok, Yannick Beauchemin. Oh, le grand retour de la gang de gars. Parce que nous autres, ici, on a un nouveau running gag, on dit les gars. Je suis en train d'écouter en boucle tous les épisodes de Rétro Nouveau et j'adore la dynamique que vous avez ensemble et vous me rejoignez sur plein de points. Le côté nostalgie, j'embarque à chaque fois. J'ai bien hâte à cet épisode. Alors, merci. Génial. Merci Yannick. Nick Lachapelle, allez-vous parler ensemble de Street Fighter ou de la saison de Balmol? Nick aussi, il faudrait qu'il revienne le temps d'un épisode là, pour nous parler très longuement d'un jeu faire une critique deep dive sur quelque chose de... Très deep. Ouais. Ok, ça c'est pas une question. Simon Lahaye, dans le contexte des 30 ans de la franchise Pokémon, dans quel jeu de la série avez-vous le plus passé d'heures? Une belle question. J'ai jamais joué aucun Pokémon. Moi non plus, sauf Pokémon Go. Ah, moi aussi, j'ai passé beaucoup d'heures dans Pokémon Go. Beaucoup de temps dans Pokémon Go, moi aussi. Moi, c'est ça. Ça sera ça, moi aussi. Ben moi là ça va commencer à être Pokémon Pocopia parce que j'ai pas mal d'heures dedans. Mais sinon moi j'avais beaucoup aimé le Pokémon le Arceus. J'ai joué quand même pas mal. Puis les Pokémon classiques, j'ai tout le temps commencé puis j'ai Blue, Yellow, là, ça, au Game Boy. Ouais, jamais, c'est ça. Tu sais, j'ai commencé, mais c'était pas pour moi à ce moment-là. Je trippais pas tant que ça. Fait que non, j'ai pas une tonne d'expérience d'un Pokémon, honnêtement. Ah ouais, hein? Plus d'expérience avec les cartes les de Pokémon, j'en ai acheté. Ah, les cartes de Pokémon. Donc pas avec les filles. Donc pas avec les... Ouais, exact. Fantasy 95, ça compte. Ouais, Fantasy 95. C'est un Fantasy 95 de Pokémon. Découper les Pikachu. Question pour Bruno. De Steve Desrochers. Avec le temps économisé à ne plus faire de podcast, as-tu finalement commencé des cours de barbier? Hashtag rêve d'une vie. Hey, tu ris, mais rêve de capers. À un moment donné, j'avais commencé à faire les démarches. Finalement, ça devenait un trop gros projet. Fait que j'ai abandonné l'affaire parce que c'était comme... C'était vraiment une carrière en parallèle. Puis c'était un peu genre... c'est tout ou rien, là. Tu le fais, t'embarques là-dedans. Parce que là, c'était en plus mon barbier était en train de m'offrir, tu sais, de... T'sais, je faisais la formation, tout ça, puis il dit, ben, t'sais, tu viendras faire les fins de semaine, tu sais, puis je vais te montrer les affaires, puis tout ça, puis j'étais comme, crime, c'est fucking tentant, mais. Tu peux pas abandonner ta carrière, ma vie, puis devenir barbier, tu sais, comme ça marchait pas vraiment, fait que, ouais, je dirais pas que j'ai abandonné le projet. Je veux juste dire, je l'ai mis sur la glace. Peut-être plus pour la retraite, là. Ouais, exactement. Sauf que je me dis, à la retraite, je vais peut-être shaker pas mal, puis finalement, je vais arriver. Ça va nous prendre des coupes bol, anyway. Couper les cheveux, m'a coupé des oreilles à la place. Fait que... Au Résident Sarcade Soleil, Bruno, le barbier. Ouais, exact. Juste des bols. Juste des cheveux. Juste des bols comme ça. Exact. Un bol de cheveux. Quel genre de bol tu veux? Pascal Gartin. Je vais profiter. C'est parce qu'il dit on cherche le monde dans l'armée, Bruno. Ouais, il est bien placé. Hein. Il fait pas rien qu'archiver des boulons. Là. Non, c'est Simon, ça. Là, il manage l'armée. Non, c'est les vis de thème. Pascal Gartin nous demande « Je vais profiter du passage de Bruno pour mettre à jour ma playlist musicale. Alors, ma question est la suivante. Quel est ton buzz musical de ce temps-ci? Groupe à découvrir? Angine de poitrine? Point d'interrogation? Ah, angine de poitrine... sont écœurants. sont écœurants. Ils me font beaucoup rire. C'est très bon pour les memes, d'ailleurs. J'aime tellement ça, justement, dès qu'il y a un... Ouais, juste pris hors contexte. Beat, là. Ah, ouais. Ça me fait tellement rire. Ça mais le gros nez, là, qui... Oui. Je sais pas si vous avez vu le meme sur TikTok, là. Hey, c'est quoi ton nom, toi, petit gars? Sébastien! Oui! Là, ça fait... Sébastien! C'est ça, ouais. C'est malade. Sébastien! Sébastien! Sébastien! Je capote, man. Faut capoter. Tout est incroyable. Tellement j'adore de tout de cette affaire-là, moi. Là. Ah, moi aussi. J'adore le monde offusqué, cette affaire-là aussi. Ah oh oui, non, moi, ça, je trouve ça palpitant, là. C'est merveilleux, comme fuck. Va-t'en pas pencher, mais il doit être... Ok, non. Ah, on parlait de ça. Ouais, ouais. Non, c'est ça. Sinon, Cherche ta playlist un peu, là. Je suis en train de checker les affaires. J'ai downloadé, mais mon dernier gros buzz, c'est... j'en ai deux, en fait. J'ai... Là, je suis en train de chercher l'album parce que je veux juste être sûr de bien le dire pour pas fucker la patente. Parce que c'est un band que j'ai découvert dernièrement et c'est un band canadien. No. Ça s'appelle Last Wretch. fait que Last Wretch qui serait un peu de dernier rod, j'imagine, quelque chose du genre. l'album Abject Cruelty. Fait que c'est du gros death metal. Qui vient du Canada et c'est vraiment excellent. Et dans le même genre, j'ai beaucoup aimé le dernier album de Scorching Tomb, qui est un band de Montréal. C'est aussi de l'excellent death. Je les ai vus d'ailleurs avec... Krim, c'était avec quel band je les ai vus? Ah boy! C'est pas facile vieillir. On en perd des bouts en tabarnouche. Non, c'est ça. Je les ai vus en show cette année, en tout cas l'année passée. J'avais trouvé ça vraiment excellent. Sinon, honnêtement, à part de ça, j'essaie de trouver de quoi qui n'est pas death. Parce que j'écoute énormément de death. juste de death. J'en écoute beaucoup de death. Sinon aussi, quelque chose qui n'est pas en toute death. Si t'aimes le vieux métal des années... 80 pour partir avec ton troc puis frapper sur des boîtes à mal avec une batte de baseball. Ah oui. Il y a Speed Claw. les griffes de la vitesse. Exact. Qui est un excellent c'est meilleur que Garden Claw. Garden Claw. Sacré Claw. Fait que Speed Claw, tu sais, check la pochette. Écoute, là, c'est un gars qui prend ses clés au vol. Ah ben oui. Parce que. C'est merveilleux. C'est bref, c'est des gars avec cuir et de nain extrêmement serré, très mince, qui jouent du le meilleur mix, cuir et de nain. Ouais, cuir et de nain. Mon nouveau podcast, manquait pas d'ailleurs. Cuir et de nain. Hey, cuir et de nain. Mais ouais, c'est ça. Fait que je te dirais, là, ces trois affaires-là, ça me fait capoter. C'est vraiment du très bon stock. Fait que cours écouter ça. Excellent. Voilà. Simon Forget ou Sim Forget, bien content d'avoir le retour du podcast. J'espère que tout se passe bien pour ta famille et toi, Don. Merci beaucoup. Ça va très bien. Mon beau-père est parti dans la quiétude, pour vrai. Alors, c'était une fin heureuse. Alors, c'est cool. Quelle bonne nouvelle d'avoir Bruno comme invité. Avec le temps récupéré à ne plus faire de podcast, comment occupe-t-il ton temps libre? Bon, outre les jeux vidéo, Bruno, tu fais-tu autre chose? Outre les jeux vidéo, oui, je monte des Gundam. Oh, une chose que j'aime beaucoup. Fait que je monte des Gundam, je lis bien des comic books, chose que j'aime énormément. Puis sinon, mis à part ça, qu'est-ce que je fais? Je me suis rendu compte que j'aime faire des puzzles. Ah. Hey, ma blonde a tout le temps un casse-tête running dans la maison. Là, là tu parles de vrai casse-tête. Oui. Ouais, mais il y a tout le temps un casse-tête dans la maison. Hey, ma mère a tout le temps trippé ses casse-têtes. J'ai tout le temps fait comme. J'étais un peu. Tu sais, pas. Je sais pas. Je trouvais ça. Ça avait pas d'allure. C'est le fun, finalement. Ben oui. Fait que je me rends compte que j'aime les puzzles. Puis c'est ça. Sinon, sinon, une chose que je fais beaucoup, j'écoute énormément de films d'horreur. Fait que ça, c'était quelque chose que je faisais. J'écoute beaucoup de Dead, beaucoup de films d'horreur. Dead, l'horreur, puis après ça, Pokémon, Pocopia. Quand même, c'est Seven. Ouais, c'est ça. Puis oui, Simon, sans oublier le CrossFit. Que j'ai continué quand même. Bientôt les mots croisés aussi, probablement. Commence par les mots cachés. Ouais, les mots cachés. Après Tom Gray de mots croisés. C'est comme jouer aux dames avant de jouer aux échecs. Oui, exact. Il y a quelqu'un qui me demande c'est quoi, quel comic que je lis. Présentement, je suis en train de lire le nouveau Plastic. Je suis un énorme fan de tout ce que Doug Wagner fait. Fait que n'importe quoi qui est fait par, qui est écrit par Doug Wagner, je trouve que c'est du pur génie. Fait que j'écoute ça, puis j'ai lu 100 Bullets dernièrement, qui était excellent. Puis c'est pas mal ça. Ça a été mes dernières lectures. Puis je lis pas mal. Je lis des trucs d'horreur, là, des affaires lugubres. Pas surpris. C'est agréable. Ça change des mots croisés. Ah, j'ai déjà bientôt lu des mots croisés d'horreur. C'est bon, 100 Bullets. J'ai déjà lu ça. Ouais, c'est très bon, 100 Bullets. C'est pas récent, quand même. C'est... Non, c'est vraiment pas récent. Puis j'ai découvert... 99 à 2009. J'ai découvert que... Ah, Brian Azzarello, OK, ouais, ouais. C'est quand même le fun de lire sur une tablette Kobo. Oui. Ou une tablette... Là, moi, j'ai comme une tablette couleur, mais e-ink. Fait que je lis des comic books là-dessus. Les liseuses, c'est le fun, là. C'est vraiment le fun. Fait que ouais, liseuse, casse-tête, bientôt marchette, horreur, dette, casse-tête et liseuse. Sonic Racing. Pas d'amitié. C'est parfait, Clem. Puis mon meilleur film d'horreur de l'année passée, si jamais tu te demandes, c'était Bring Her Back. Colin, allez voir ça, c'est merveilleux. Vous allez brailler à la fin. C'est fantastique. Boulingrin. Un bouling, le boulingrin. C'est quoi ça? Ça fait tangue, genre. Moi, ça, c'était dans RBO, un moment donné, il y a quelqu'un le qui dit ça, tu sais, le boulingrin. Puis comme, je pense que c'est comme de la pétanque, me semble. Ah, ouais, sors-nous ça, Jeff. Ouais, sors-nous ça, parce que j'ai jamais. Pendant ce temps-là, Simon Parenteau nous dit: Bruno, trop content, vraiment hâte de voir cet épisode. Juste dire à Bruno qu'il nous manque énormément et que c'est une légende comme toi et JF d'ailleurs. Et un gros merci pour toutes ces années à Rétro Nouveau. Et ce serait vraiment génial de revoir faire du podcast. J'aime vraiment ses critiques. Merci. J'aimerais savoir s'il a joué à Astrobot et qu'en a-t-il pensé. Tu as déjà révélé ça. Une dernière question, comment va Pierre Lapointe? Ça fait long. Ah, tu l'as-tu perdu un peu? Ça fait longtemps que j'ai fait la voix de Pierre Lapointe. Ah, ben c'est pas... C'est quand même, j'ai gardé un peu. C'est excellent. Le c'est plus le vrai Pierre Lapointe qu'on oublie. Oui, exact. Le vrai Pierre Lapointe. Non, c'est comme Pierre. Pierre. Il a déjà été quelqu'un, là. Exact. Fait que c'est du... c'est la pétanque, mais avec des boules asymétriques. Ah! Fait que ça a des trajectoires courbes. Ok, c'est un peu décevant. Ouais, moi aussi, je suis un grain. Je suis déçu. Qui joue à ça? Personne. Le boulet grain. Ça s'est pas concentré là, toi. Hey, c'est. Ouais. Question de Jim Gendron qui est dans le chat. Quelles sont vos habitudes les plus étranges et très content de revoir Bruno? Habitudes étranges. Tabarnouche. Chris, c'est-tu. Habitude étrange. D'avaler du scope quand tu te gargarises, tu l'avales. C'est ça, c'est étrange. Tu comprends? Habitude étrange. C'est tough comme question parce qu'en même temps, ça te demande de te mettre à nu. Oui. Oui. Ben, j'essaie. Ton public. Je sais pas, là. Lève mon sel en me réveillant. C'est très champ gauche. On va essayer de penser. C'est tough. C'est tough. Francisco Molina. Oh! Beau nom. Colin, vraiment content de la présence de Bruno. Ça fait longtemps qu'on attendait ça. Ma question, Bruno, quel est le secret, et on en a parlé dans le chat aussi, pour cette magnifique chevelure de prince? Oh, oui. Ben, il y a un secret, en fait, du temps. La bonne génétique. Dans le sens, tu laisses pousser longtemps. Ben non, mais dans le sens. Tu investis. Je fais attention, je mets du temps. Du produit. Vraiment, faut que tu mettes du produit. Je vais donner mes secrets rapidement, en fait. Premièrement, quand tu commences à vieillir et que tes cheveux, tu t'aperçois que tu as un léger spot qui est en train de partir, mets des produits pour ne pas perdre tes cheveux ou pour ralentir la chute de cheveux. Ça fait des merveilles, ça existe. Il y a des produits québécois qui existent, qui sont super bons. Moi, je fais ça depuis 20 ans, puis je commence à arrêter, puis c'est correct, là, c'est pas si pire que ça. Puis sinon, tu sors de la douche, sèche tes cheveux comment que tu veux que tes cheveux soient. Laisse jamais tes cheveux tout trempe, puis les laisser sécher tout le temps. T'es sèche, ça leur donne du volume, puis après ça, tu vas mettre une pommade. Tu peux t'acheter de la Reuzel, c'est une très bonne pommade qui fonctionne bien. Et puis, check si tu veux une pommade d'argile ou une pommade qui est un petit peu plus shiny pour un look rockabille ou quelque chose du genre. Bref, il y a plusieurs pommades. Achète jamais ça en pharmacie. C'est de la merde qui se vend dans les pharmacies pour les cheveux. Sauf la God to be Adam. Ouais, moi je mets de la God to be. La God to be, c'est pas très bon pour les cheveux. Non, j'imagine. Ok. Yeah. L'esprit c'est comme se faire du popcorn au micro-ondes, tu sais, continuellement, à chaque repas. C'est ça l'équivalent. Régler du cancer du sans arrêt. Dans tes cheveux. C'est exactement ça. Fait que, ouais, mets pas de la marde dans tes cheveux. Mets des bons produits. Investis dans les produits pour les cheveux. Puis d'ailleurs, il y a un shampoing qui a de l'allure en pharmacie. C'est le Head and Shoulder. C'est un Head and Shoulder. La bouteille est verte, puis c'est juste des produits naturels dedans. Okay. Ça se vend en pharmacie, puis c'est achetable, puis ça te donne une bonne tête. Voilà, c'était tous mes trucs. Je vous ai tout donné. Tout ça, c'est gratuit. Hein, c'est gratuit, crime. Genius dans le chat nous dit il y a de l'huile de castor. Oui. C'est une joke, ça, là. Ça existe-tu? L'huile de castor, c'était pas. C'est une affaire qui marche avec les collier de noisettiers. Je sais pas, mais je suis quand même très nerveux de savoir comment on extrait l'huile d'un castor. Au final. Ça doit être graisseux, un castor. Ça doit être quand même assez graisseux parce que c'est dans le fret tout le temps. Ben oui. Ouais. Hey, Airfax, ça existe probablement plus. Airfax. Et quelqu'un qui demande justement si l'esprit pour couvrir les trous, ça fonctionne. Il y a du monde qui se sont fait des tatous dans le fond de la tête. Ah, ça. Ça, c'est assez incroyable. Ouais. Moi, j'aime ça regarder justement des fails de perte de cheveux. Il y en a qui se font tatouer ou il y en a qui se font comme peinturer le fond de la tête très noir. On n'avait pas déjà parlé de ça à Rétro Nouveau. On pensait que c'était un tatou d'une coupe de cheveux. Genre c'est malade. Comme mes cheveux présentement. Non, c'est comme des points. Ah, OK. Oh, le gars, il est sûr ça marche. Une coupe de points de la tête. Stéphane Beaumier dit « Le Triforce du podcast va être réuni. Choisissez lequel des Triforces vous va le mieux, force, sagesse ou courage. Mon guest, JF, la sagesse, Bruno, la force, Dom, le courage. Je peux me tromper. » Y a-tu raison? Ah, la sagesse, je sais pas. On acquiert tout. On en manque. Ouais. On manque pas mal. Je suis plus fort que j'ai été, mais je m'endors vite. Ah, fort physiquement, tu veux dire. Je suis plus fort physiquement, mais je m'endors tôt, fait que je sais pas si... C'est pas... Mettons, il faut que tu te battes la nuit, mettons. Ouais, exact. Ah, caler, je peux pas, donc... Aller me canter. Toutes ces fameuses nuits où il faut se battre. Maudit. Ouais, j'ai recommencé à jouer au hockey beaucoup. Je joue au COSUM. Puis c'est très demandant, le COSUM. Tes games en plus. C'était tout Les games de hockey sur glace, c'est tard. C'est le mardi à 10h. Mais le COSUM, c'est à 8h du matin. Oh boy, OK. Donc, là, c'est juste des extrêmes. Puis là, cette semaine, j'ai joué. Puis là, j'ai comme. On dirait que tout le devant de mon corps était engourdi. Ouais. au lendemain, là, je me couche. Je me dis, regarde, mes cuisses en avant. Mes pieds, c'est engourdi, je me touche comme. Je sens comme une couche de quelque chose, comme engourdi, c'est très bizarre. Ouais. T'as l'air de savoir de quoi je parle. Oh, oui, totalement. J'ai-tu un problème? Non, c'est parce que tu fais tu fais pas tant d'efforts physiques, puis tout d'un coup, t'en fais énormément. Ouais, fait que ça. Là, ton corps, il y a comme un stress épouvantable. Je le sais parce que depuis une couple de semaines, moi, j'arrive pas... Avec la job, j'arrive pas à m'entraîner plus qu'une fois par semaine. Fait que là, une fois par semaine, j'ai un entraînement fucking insane. Ouais. Là, je me couche, puis mon corps, il est comme... Fuck! Qu'est-ce que t'as fait, tu sais? Puis... Fait que là, t'es couché dans ton lit, puis on dirait que tes jambes, ils ont le goût de sortir de ton corps. Ouais, ouais, exact. C'est comme si t'avais une couche de muscles ou de nerfs en dessous du corps, puis c'est juste comme... Exact, ça shake, là. Exact. Ouais, ouais. Puis des fois, je sens que j'ai besoin de me lever, que j'aille marcher, quelque chose, parce que je suis juste pas capable de relaxer ça. T'sais. Oui, quand, à un moment donné, moi, là, quand je suis fatigué, là, mettons, je suis dans le sofa, puis je suis comme fatigué, mes jambes deviennent, c'est comme insupportable. Exact. Ils deviennent, ils n'arrêtent pas de brouiller. Les jambes sans repos. Là. Puis oui, puis ouais, ça le fait leg. Non-stop. Ouais, ouais. Puis la seule chose à faire, c'est de me coucher puis de l'encaisser. Comme quand il faut pas que tu te grattes, ça, tu aussi, te grattes. Ouais. Puis, man, c'est-tu que ça me fait battre triper, là? Moi, c'est avec elle, j'avais parlé de ça à mon médecin. Puis mon médecin m'avait dit, puis qu'est-ce que tu fais quand ça arrive? J'ai dit, ben, je me lève, puis je vais me coucher, parce que je suis comme, voyons, lui, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ben, c'est ça, ça marche. Mais je suis comme, Colin, ça répond pas à ma question. Je trouve ça... Fait que là, on a une question aussi d'Alex Morancy qui demande ton top de jeu. On l'a déjà fait. Il est déjà fait. Dominique Ostigui qui est dans le chat qui met un gros bonhomme heureux. Alors, voilà. Étienne Hull qui dit « Oh my God! » Félix Beaudoin-Duval qui dit « Yeah! Le retour de Bruno, c'est malade! » Mathieu Blache qui dit « On dirait Obi-Wan Kenobi sur l'image que j'avais faite. » Obi-Wan Kenobru. Kenobru. Obi-Bru Kenowan. Maxime Duguay, ici présent, qui dit « Salut les gars, ce n'est pas une question, mais un remerciement que je vous fais. Merci pour Rétro Nouveau et merci Papa Cassette pour ton podcast. Félicitations à votre beau programme. Je suis un fan silencieux depuis l'épisode 1. J'en manque pas une. Ton podcast Dom m'a donné envie d'ouvrir une entreprise. Wow. Merci pour les rires, les insights que je dis tout seul dans mon char, comme dire « Kekel ». Les jokes de batte et le bon divertissement. Bonne continuation. PS, j'ai trouvé ce souvenir en faisant du ménage. Et puis là, il montre Castlevania 2, Simon's Quest, que t'as signé, qu'on a signé, toi et moi, tant que membre de Rétro Nouveau. Tiens, ben, C'est cool là, ça. C'est long, ben, Hey, ça fait un bout de temps, ça. Hey, je m'en rappelle même pas de quand. C'est malade. Wow! C'est vraiment hot. Alors, j'espère que tu as terminé ce Simon's Quest, mon cher Maxime. Le Québécois gamer est-il lutin? Oui, est-il lutin? Bon retour les boys, ça va être un excellent épisode. Petite question pour Bruno, quels sont tes meilleurs jeux? Bon, ok, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas entendu, donc là. Hein? Bruno, as-tu aimé ton passage au podcast des pas 3A? Ouais, des pas 3A. Ah, c'est Daniel, c'est Dan Vaillancourt. Qui se plug, ça? Il se Dan plug. Il fait rien que se plugger, Gros shameless plug. Ah, oui. Ben, c'était le fun. Dan, on l'aime. C'était le fun. T'inviteras Dom, Dan. Fred est allé aussi, non? Ah oui, ça se peut. Ça se peut-tu? Il me semble, j'ai vu ça, il vient d'y aller il y a pas longtemps. Il va peut-être nous confirmer dans le chat s'il est encore là. S'il n'est pas parti se coucher, pauvre homme, pauvre père de famille. Félix Beaudoin-Duval. Ma question pour Bruno. Est-ce que tu veux nous dire un petit « Ça va bien, les gars? » en souvenir du bon vieux temps. « Ça va bien, les gars? » Les gars. Alors, dernière question ici, et il y a beaucoup de textes de Sébastien Trottier. Que pensez-vous de Nintendo qui poursuit le gouvernement des États-Unis pour les frais de douane illégales? Voici deux sources si vous n'êtes pas au courant. Ben, raide, tant mieux. C'est quoi cette histoire-là? C'est qu'en fait, Nintendo poursuit le gouvernement américain pour les frais, en fait, justement les tarifs qu'ils ont mis en place quand Nintendo a mis la Switch 2 en vente. Okay. Ça a comme tout fucké leur plan, tu sais. Ah, oui. Fait que... Ah, j'ai vu un meme de ça, genre Mario versus Trump. Ouais. Là, je suis comme, wow, c'est qui le plus fort au final, ça a terre, c'est t'sais. Tellement Mario, d'après moi. Ben, hein. En même temps, Trump, il... pèse un piton puis il fait péter la moitié de la planète. Oui, totalement, là, mais je pense que Mario est plus populaire. Là. Même chez exact. Des gens qui aiment Trump, je suis sûr qu'il y a plein de monde là-dedans qui tripe sur Mario. Là, exact. Que... Mario, il est aussi gros que Jésus. Là. Ah oui, vraiment. Mais ben c'est intéressant. En tout cas, pourquoi pas? C'est le fun de voir Mario poursuivre le gouvernement américain. Ben oui, let's go Mario. Quoi, je vais tout le temps être pour ça. Let's go Mario, Colin. Yeah. J'espère qu'ils vont gagner ça. De toute façon, ça a l'air que c'est complètement illégal. Fait que ouais, ben Trump s'en calisse. Il peut le faire, mais il s'en calisse comme d'habitude. Exactement. Fait que ben c'est terminé, les gars, pour les questions. Alors, on s'en va en conclusion. C'était fantastique. Wow. Pour répondre à Steph Talbot dans le chat, non, il n'y aura pas d'explosion ce soir parce que ça aurait impliqué qu'il aurait fallu préparer de quoi. Puis ça, c'est non. On n'y a pas pensé, man. Ça aurait été drôle. C'est vraiment. Non, on n'a juste pas pensé. Là, j'ai pas pensé. Okay. Mais merci vraiment à tout le monde qui ont été présents. Merci dans le chat. Il y a eu des tonnes de gens. Merci à tout le monde en ligne qui ont donné du love puis, et tout. Ça a été, je trouve, moi je l'ai ressenti. Oui, beaucoup. C'est très cool. Merci beaucoup. Merci Bruno d'être venu, d'avoir pris ton temps. C'est vraiment le fun. Merci Monseigneur Neveu aussi de l'excellent marché Bonichois Neveu de la Verlechère. Exact. Les beaux produits orangés. Les triangles orangés. Les bandes neige. Les triangles orangés. Sébastien. Sébastien. Les bandes neige sont en train de fondre à la Verlochère. Tout va bien. La fin des Bécas. Ah, ouais, mais ça, Retour Nouveau TV. Ça, c'est le plus iconique. Oui, c'est le meilleur pour vrai. Là. Ah, c'est vrai qu'on aurait pu mettre le discours de Pierre Curzi aussi. On n'a pas pensé. Ah, il y a tellement d'affaires, anyway. On s'est dit aussi, on fait dessus pour vrai, le genre le spécial de Thaïs. Oui. Pour niaiser. Puis finalement, on s'est dit, non, là, on pas, mais, c'est là. Trop de un courage, troll là. De 2h30. C'est ça. Oh boy. C'est malade. Fait que... All right! Fait que voilà. Écoute, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et puis, nous autres, ben, GF, on reprend la routine. Ouais. On va dans 2 semaines, nous autres, là. Exact. Allez faire un somme. Yeah. Ouais, exact. Allons nous coucher. Bye tout le monde. Bye. Salut. Bye.